Et voici maintenant une compilation des meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou, diffusées tous les jours du lundi au jeudi, soit Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le Dîner de cons de 11h à 13h. Bonne écoute! Encore sur le basketball? Ben oui, hey, j'ai failli battre mon record. T'es rendu à combien? 24. 24. Mais c'est parce qu'il faut ça savoir veut rien que... dire pour moi, j'ai pas encore joué. Il faut savoir qu'il est rendu à 10, là, le panier, il bouge. Okay. Puis rendu à 20, il bouge de plus en plus vite. Wow! Ouais, c'est très difficile. Puis en plus, c'est un tout petit iPhone. Oui, oui, oui, vraiment. C'est difficile de jouer sur un aussi petit écran. Je sais. Celui qui n'a pas un grand écran, en fait, il vous ouvre un écran vers le monde. Ça, c'est bien dit. Voici Sébastien Vigartin et son bulletin Gartin. En fait, Sébastien Vigartin a un Android, c'est rare qu'ils font des petits écrans. Genre. Il faut qu'ils le précisent quand ils font un petit écran, ils l'appellent un mini. C'est vrai qu'il n'y en a plus vraiment, le petit écran chez les Android. Effectivement. D'ailleurs, j'aimerais dire, les amis, on range sur cellulaire, s'il vous plaît. Oui, on écoute voilà, Tania. C'est comme ça. Ça me fait passer à cacher dans une classe. Bon. Tu donnes des cours. Ben, présentement, je paye pour donner des cours, mais en tout cas, ça, c'est toute une autre histoire. C'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Non, mais c'est un peu comme donner un cours parce que tu nous renseignes sur un sujet de l'actualité. Effectivement. Puis, ça va être un sujet qu'on a encore pas mal entendu parler. Premièrement, je pense qu'il est quand même de mon devoir de souligner les attentats de Bruxelles. Oui. Mm-hmm. Bon. C'est fait. C'est fait. On les a soulignés. Là, ben, c'est parce que c'est un drôle d'addon dans notre cas un peu parce que. Ça s'est passé la même semaine que Marine Le Pen est au Québec. C'est vrai. Est-ce qu'on sait c'est qui Marine Le Pen? Oui. Présidente du Front National, je sais pas quoi. Hein? Ouais. Présidente, c'est à peu près, je dirais que c'est à peu près l'équivalent de Donald Trump, mais en France. Ah, voilà. Et d'extrême droite. Tu es aussi folle? Ben, c'est ça, c'est un peu le problème avec Marine Le Pen, c'est qu'elle n'a pas l'air aussi folle que... Enfin, techniquement, elle-même n'est pas... On pourrait pas dire que c'est vraiment la Donald Trump française, c'est plutôt la fille du Donald Trump français. Ah, donc Donald Trump coucherait avec, c'était permis. C'était pas là où ce que je voulais en venir. Ah. C'est que Marine Le Pen, bon, tu l'as dit, Mathieu, c'est la présidente du Front National, qui est un parti français d'extrême droite, qui, en très, très gros, présentement, leur cheval de bataille, c'est de dire que toute personne qui est de religion musulmane, en fait, même pas juste c'est les musulmans, différent d'eux, les autres, en fait, c'est n'importe qui est pas français de souche, ouais, là, ouais, on pourrait dire, foutu en dehors de France. Ouais. Parce que tous les problèmes, c'est à cause des immigrants, évidemment. Puis bon, plein d'autres choses, ils ont des positions. C'est xénophobe et raciste, bon, on va se le dire. Là encore, je voulais pas en venir là, mais parce qu'il y a quand même des subtilités. La France n'est pas les États-Unis en partant. Puis bon, son père, qui est Jean-Marie Le Pen, qui est le fondateur du... qui est d'ailleurs décédé, là, qui était le fondateur du Front National. Bon, lui était peut-être un peu plus dans le genre de Trump. Il était connu là, pour être un peu avoir une espèce de relent là, de quasiment psychopathe. Là. Il faisait peur un peu. Il partait sur des espèces de chires là, de discours là, complètement hallucinants. Là. Il était extrêmement marginalisé d'ailleurs. C'était pas un parti sous son règne à lui parce que ça a duré très longtemps. Le Front National n'a jamais été reconnu comme un parti sérieux. À son décès, c'est sa fille Marine Le Pen, la madame de qui on parle, qui a repris le parti, la chefferie du parti. Et depuis ce temps-là, malheureusement, elle a réussi à donner une espèce de vernis de rectitude, on pourrait dire. Elle a comme sucré un peu le sujet. Genre, c'est on a mis un petit peu de glaze dessus. Les événements depuis les dernières années ont fait qu'elle a... Mettons que son discours avait peut-être une réception plus grande dans l'opinion publique. Mm-hmm. Premièrement, toutes les questions de terrorisme, mais aussi c'est parce que ce qu'il faut comprendre aussi, puis c'est un peu d'ailleurs son grain de sel, puis moi c'était plus de ça que j'avais l'intention de parler au début, avant qu'il y ait des attentats. C'est que, bon, je disais le cheval de bataille du Front National, c'est les immigrants, mais il y a une autre chose aussi, c'est que c'est aussi l'Union européenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon... nous autres, en Amérique du Nord, entre les grands pays d'Amérique du Nord, on a des... En fait, l'Amérique du Nord, c'est pas compliqué, c'est trois pays. Canada, États-Unis, Mexique. On a l'ALENA, entre autres, on a certains autres accords de libre-échange comme ça, entre nous autres, dans le fond, qu'on abolit un peu les frontières de taxation entre nos trois pays. En France. En Europe, il y a l'Union européenne qui est un peu la même logique, mais poussant encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont amené, on pourrait dire, c'est pas exactement comme ça s'est passé, mais on pourrait dire qu'ils ont tellement eu d'accords sur un paquet de choses que finalement, ils ont décidé de garder les frontières entre les pays européens qui sont membres de l'Union européenne. On va comme pas rien que les défaire à la pièce pour telle affaire. Donc, on va les écraser comme du monde, puis on va comme se faire une espèce de commerce interne. Ouais. Ça a comme créé ce qu'on appelle, entre autres, ça crée un paquet de choses. Ça crée comme, entre autres, l'euro, la zone euro, c'est-à-dire qu'à cette heure, la plupart des pays d'Europe occidentale ont comme toute la même monnaie, qui est l'euro, qui leur a permis d'ailleurs, qui est présentement une des monnaies les plus fortes dans le monde, ce qui n'était pas nécessairement le cas de toutes les monnaies nationales avant qu'ils soient fusionnées dans l'euro. Entre les pays, d'ailleurs, il y a les barrières d'immigration sont beaucoup diminuées, c'est-à-dire que, mettons, par exemple, un ressortissant français peut très bien aller travailler en Allemagne, il n'aura pas, là, son immigration pour le travail va être extrêmement facilitée, là, il va avoir beaucoup moins de paperasse, il n'y aura pas de visa de travailleur à demander, puis plein de choses comme ça. Là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais en très, très gros, on a comme un peu aboli les frontières en Europe pour un paquet de choses, pour en fait beaucoup d'activités. Ça a été critiqué entre autres parce que il y a un de mes chouchous dans la vie, le philosophe Jürgen Habermas, qui a d'ailleurs été pour donner un peu quel genre de personne. Lui, il a entre autres il a eu le contrat de développer le système de discussion à l'ONU. Vous dire le genre de. Il est quand même relativement, même si on le connaît pas beaucoup en Amérique, il est quand même relativement big shot. C'est un intellectuel de premier plan en Europe. Puis bon, lui, ce qu'il disait, c'est bien beau de faire une union sur des affaires monétaires, puis ainsi de suite. Il aurait fallu faire une union politique avant ça, c'est-à-dire que les décisions ne se prennent pas d'un point de vue national, mais international. Dans le fond, que le Parlement européen, parce qu'il y en a un, il en existe, même les gens votent à des élections pour des représentants au Parlement européen, tout le kit pareil comme pour un pays. Ils ont vraiment créé une espèce de chapeau à tous les pays qui s'appellent, dans le fond, que ça s'appelle la star de l'Union européenne. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait fallu aller plus loin, il aurait fallu créer une espèce de sentiment national par rapport à l'Europe et non seulement par rapport aux pays d'origine. C'est pas Eurovision, ça? Le concours de chant? Ouais! Ouais, si on veut. Bon, on peut dire que c'est assez utopiste parce qu'un Français, c'est pas un Allemand, un Anglais, c'est pas un bon. Puis l'Angleterre, eux autres, sont restés tout un peu périphériques par rapport à ça. Là. Ils sont la petite île dans le coin qui font les petites affaires de leur bord. Mais tu sais, un Français, c'est pas un Allemand, un Allemand, c'est pas un Italien. Puis bon, tu sais, on s'entend, là. C'est un peu utopiste de dire que les gens vont quand même vont soudainement, c'est ça, ouais. C'est, peut-être un jour, mais on n'est pas rendu là. Mais bref, c'est ça, qui disait qu'on devrait quand même s'unir un peu plus. À l'opposé du spectre politique, il y a les Marine Le Pen de ce monde. Marine Le Pen, une des choses qu'elle a dit, c'est que jusqu'à un certain point, présentement, son grand ouvrage, si on fait abstraction de toutes les questions d'immigration sur lesquelles je vais revenir, peut-être si j'ai le temps, parce qu'honnêtement, j'en ai long à dire sur le sujet. ça, c'est d'ailleurs parenthèse, il y a une couple de semaines, j'étais content parce que, bon, on a une nouvelle politique d'immigration au Québec, puis my God, c'est le fun, ça tombe bien, c'est j'étais quand même assez d'accord avec, j'étais quand même content de ce qu'il y avait dedans. Fait que c'est rare que je peux parler de mon projet, de mon sujet de maîtrise, de mon domaine d'expertise, mettons, sans être découragé, de manière optimiste. Puis là, on dirait que c'est trop, c'est ça, on dirait que c'est trop, là, c'était comme trop. Tout ce qui monte doit redescendre. Ouais, c'est ça, c'est vrai que là, cette semaine, ça redescend pas mal. Mais bon, on va faire abstraction. Arrêtez ça là. C'est ça, on va faire abstraction de l'immigration deux secondes. L'autre gros cheval de bataille du Front National présentement, comme d'ailleurs, il y a à peu près l'équivalent dans presque tous les pays d'Europe occidentale. Quand je dis Europe occidentale, là, c'est quand on pense à l'Europe, France, Italie, ce côté-là, pas les pays de l'Est. C'est... Les autres, ils commencent à en avoir quelques-uns qui rentrent dans l'Union européenne, mais c'est encore... C'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que rentrer dans l'Union européenne, c'est quand même pas facile. Vu que c'est un système assez complexe puis assez gros, tu peux pas... Faut que le pays atteigne un certain PIB. Okay. Puis il y a un paquet de trucs comme ça, là, qu'il y a des conditions extrêmement précises à avoir. Un orteil puis à la fois. C'est vraiment un orteil à la fois. C'est vraiment... C'est un processus assez complexe parce que ce qui arrive, c'est que, mettons, par exemple, un an, on parlait des aléas de l'économie grecque, entre autres, Bon, puis ça, pourquoi est-ce que l'Union européenne, c'était quoi la relation de l'Union européenne avec ça? C'est que quand il y a quelque chose comme la Grèce, par exemple, quand il y a un membre de l'Union européenne qui va vraiment mal, ça entraîne un peu toutes les autres jusqu'à un certain point. Ça a du sens. Encore, c'est extrêmement complexe, ces relations-là. Est-ce que ça va mieux, la Grèce, en gros? Je penserais pas. Non. Honnêtement, puis c'est ça, on entend très peu parler à cette heure parce qu'il y a d'autres choses. C'est ça. Mais ça va pas bien. C'est ça. En fait, honnêtement, c'est une très bonne question parce que moi non plus, depuis que c'est plus les gros titres, je l'ai moins suivi. Honte à moi d'ailleurs. Je sais qu'on nous disait que la catastrophe grecque était pour se répéter en Italie, en Espagne à courte échéance, puis à date, ça n'a pas l'air de l'avoir vraiment fait. Ouais. Mais ça, je parle un peu à travers mon chapeau. Je suis pas si au courant de ça. C'est bien correct. Puis honnêtement, le côté économique, moi, je trouve qu'on en parle déjà trop de toute façon. Puis maintenant, il faut choisir ses combats. Il y a des spécialistes de ça, puis on peut leur faire confiance. Moi, ce qui m'intéressait plus avec l'histoire de la Grèce, d'ailleurs, faire une parenthèse, c'était plutôt justement l'aspect des relations politiques reliées à ça. Parce qu'il y avait une question de dire que bon, ben, le Fonds monétaire international, qui est un organisme pas mal bancaire à la base, qui avait un certain pouvoir sur les décisions démocratiques de la Grèce. Ce qui est un gros dilemme, en fait. Parce que théoriquement, les décisions démocratiques d'un pays, c'est ce qui y appartient le plus. Tu peux pas aller contre ça. Ces gens-là au FMI sont pas élus. Fait que, bref. Mais là, c'est une grosse parenthèse. Puis là encore, je pourrais faire un bon 45 minutes là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça? L'Union européenne. Marine Le Pen. Ouais. Donc, dans la plupart des pays d'Europe, il se trouve des partis comme le Front national en France. Il y a Pegida, entre autres, en Allemagne. Qui, eux autres, s'opposent à la présence de leur pays dans l'Union européenne, qui trouvent que l'Union européenne a trop de pouvoir, qui veulent ramener le pouvoir dans les mains du peuple, dans les mains de la nation, dans le fond. En gros, ils veulent revenir à l'État, mettons, dans le temps des années 80 ou même 70, c'est-à-dire de dire que, bon, ben, on a notre État-nation, par exemple la France, dans le cas qui nous occupe. Puis, ben, la France est pleinement souveraine, puis il n'y a absolument rien qui peut avoir d'impact sur les décisions prises en France. Okay. Malgré le fait que, bon, là, c'est ça, il y a eu des accords, on a décidé de se mettre ensemble parce que c'était plus payant, puis bon. Là-dessus, l'Union européenne, c'est comme je disais, là, puis je pense que j'ai dit complexe un certain nombre de fois depuis le début de ma chronique. L'Union européenne, c'est une grosse bébite vraiment complexe. Il y en a bien du bien qui en est ressorti. Il y en a du moins bien aussi, évidemment. Fait que ça, est-ce que vraiment on devrait être d'accord avec le fait que les pays d'Europe sortent de l'Union européenne? Ils ont-tu intérêt à le faire? Là? Ça, c'est des questions extrêmement complexes que ça prend pas. C'est pas une personne qui va régler ça en une demi-heure dans une chronique à la radio. Premièrement, c'est des questions extrêmement complexes. Puis c'est sûr que n'importe quelle politique qui vise à seulement revenir en arrière, à maner, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. On a fait des choses, il y a des décisions qui ont été prises. Dans le temps qui ont été prises, il y avait comme des raisons pourquoi ça a été fait. Tu sais, t'essayes d'aller vers en avant et non vers en arrière. Ça doit être le parti d'une certaine tranche de personnes, mettons, en France, comme ben, c'est des sûr, vieux monsieur. C'est mettons. Sûr que de plus en plus, le Front national pogne. Puis ça, c'est peut-être... Puis il y a des grosses questions de perception. Je pense que il n'y a pas nécessairement rien que du mauvais dans l'Union européenne. Il y a en quelque part un intérêt à ça, puis les gens ils ont peut-être plus tendance à voir ce qui est négatif. C'est pour ça que des discours comme celui du Front national pogne là-bas. De la même façon qu'avec l'immigration, bon, premièrement, c'est bien facile de voir les quelques exemples de cas. Je parlais des attentats de Bruxelles tantôt. Pareil comme les attentats en France puis tout ça, c'est bien facile de voir que bon, ben il y en a qui ont fait partie de ça, qui étaient issus de l'immigration. Bon, ben, tu sais, les immigrants, on sait bien, tu sais. Mm-hmm. C'est passé bien facile de rester boqué sur ces exemples-là puis de pas voir que, ben, la majorité ne se sont pas fait exploser, tu sais. Puis là encore, c'était souvent des... La quasi-totalité. Soit la quasi-totalité, là, en fait, là. Tu sais, si tu prends tous les immigrants, puis d'ailleurs, même, tu fais juste prendre les immigrants qui sont d'origine musulmane, qui sont de religion musulmane, là, mettons qu'ils sont en France, là. Ils condamnent tu prends le pourcentage de ceux qui sont fait exploser par rapport au reste, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est comme pas 1%, là, tu sais. Là, c'est comme... C'est pas ce que les médias vont vous dire. C'est comme 0, mettez une belle ligne de 0, 1%. Là, c'est quoi les grands titres à LCN en ce moment? J'aimerais bien savoir. Ben, mais c'est ça. Mais je pense plus que ça calcule le nombre de décès et le nombre de victimes, là, présentement. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui frappe l'imaginaire, veut pas, parce que tu te dis, bon, ben, tu sais, en Belgique, regarde, il y avait, je pense que c'est dans le Nouvelliste ce matin, qui disait que, qu'il y avait un article qui disait qu'il y a 10 étudiantes de l'UQTR qui sont en Belgique présentement. T'sais. Ça n'a rien à voir avec rien, parce qu'en tant que tel, la Belgique, c'est énorme, pareil. Ben oui, puis de toute façon, j'ai pas lu, j'ai même pas lu l'article, parce que je trouvais ça tellement comme... Ben c'est insignifiant, c'est complètement insignifiant. Ben c'est pas complètement insignifiant, mais c'est, mettons, 95% insignifiant. Ben ouais, c'est ça, dans t'sais, le sens parce que... tu te dis, ouais, OK, si je les connais, je serais content de savoir qu'ils vont bien. Ouais, mais est-ce qu'il aurait dit la même affaire si, mettons, ça serait passé aux États-Unis, genre, oh, des étudiants de l'UQTR sont aux États-Unis, parce qu'il y a eu un attentat terroriste. Ben, en fait, ça, oui, probablement. Probablement. Ben, aux États-Unis, ça dépend, ouais. Il était où aussi, ça, c'est, pendant. Ça, c'est ce qui est drôle, c'est que la plupart des... ceux qui connaissent un peu, tu sais, la plupart des gens qui font un échange, des échanges étudiants en Belgique, justement, ouais. Ils sont pas à Bruxelles, ils sont à Louvain-la-Neuve. Mm-hmm. Ceux qui connaissent, là, c'est comme une ville universitaire comme en dehors bon, de Bruxelles. Bon, c'est insignifiant, c'est ça que ça veut dire. Ben, il n'y a pas grand-chance qu'il y ait été... il y avait pas grand-chance qu'il soit à Bruxelles. Il y a encore moins de chances qu'il soit à l'aéroport. Puis au nombre de gens qui passent par cette place-là, il doit en avoir des centaines de milliers, sinon des millions par jour. C'est ça. Puis c'est un corollaire. Puis là, c'était une de mes... J'aurais dû te dire au début, c'était une de mes chroniques podcast. Oui, pas de préparer casque, tant que ça. Pas de notes. Pas préparer tant que ça. Pas de notes. Pas de. Je sais pas trop où ce que ça va s'en aller. Il garde ça pour son projet principal. La sortie de côté avec gauche, jeudi 13h. Jeudi 13h. Ouais, d'ailleurs, on travaille sur quelque chose de particulier cette semaine, mais. Ah! D'habitude, c'est vraiment en place, cette émission-là. Fait qu'il faut qu'il mette un petit. Ouais, c'est ça, faut qu'on assaisonne des c'est fois. Particulier, ok. Bon, en tout cas, tu nous en reparleras tantôt. Bon. Bon, ben ouais, c'est ça. Ben demain. En fait. Ouais, demain. Ah, tu nous agaceras pas avec ça? Non, ben c'est parce qu'il faut que j'en reparle à Lucas. Je suis pas sûr qu'on va le faire. Ah, okay. C'est pour ça. Bon. Revenons à notre sujet. Fait principal. Que, encore plus de punch. Vont-ils le faire? Ne le feront-ils pas? Ouais, c'est ça. Va falloir être là jeudi 13h. Suspense! L'émission va avoir lieu, ça on le sait. Ça on le sait. Oui. Mais va-t-elle rester dans la norme ou va-t-elle être extraordinaire? Non, ben c'est toujours extraordinaire. Mais c'est toujours, toujours. Arrête de flatter. Drôle de pause. Ouais. Mais c'est ça. Honnêtement, je disais ça avec podcast, mais je pensais pas aborder ça. Mais on s'entend, dans les dernières années, il y en a eu une couple d'attentats comme ça qui ont été très médiatisés. Puis il y a toujours une espèce de couverture un peu dégueu, tu sais, dans le style, je m'excuse de les nommer, mais Journal de Montréal, tu sais, le l'écrapou. Ouais. C'est un peu triste de dire ça de même, mais tu sais... Le New York Daily News et Post, New York Post, qui fait ça aussi du sensationnaliste. Je sais pas. Sinisme. Moi, je trouve qu'on est déjà assez de ce sensationnalisme-là au Québec. Je m'en vais pas chercher. Je m'en vais pas voir aux États-Unis en plus pour en trouver plus. Tu sais, il y a ça aussi, tu sais, de mettre beaucoup l'emphase sur le... Tu sais, je comprends que, bon, on veut savoir si on connaît des gens qui ont été pris là-dedans. Ouais. Il y a ça. Mais tu sais, les photos comme à une de la presse à matin, tu sais, les photos de gens couverts de sang à côté dans un corridor, puis on a-tu vraiment... Je veux dire, c'est des attentats à bombes. On le sait qu'il y a des blessés, puis qu'il y a du monde il y a du monde mort. On peut-tu passer outre? C'est vraiment dégueulasse. Là-dessus, je donnerais une petite félicitation au journal Ricochet, là, qui est un journal uniquement en ligne. Indépendant. Complètement indépendant. Là, il fonctionne, il y a même pas de pub, c'est sur le sociofinancement, pour dire là, comment ils sont indépendants. Puis eux autres, ce qu'ils ont publié hier, c'est qu'ils ont dit, ben nous autres, on croit pas à ça, l'obsession de l'information 24/7, fait que on fera pas de statement là-dessus aujourd'hui. Vous savez que ça a eu lieu, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça. Moi, ce que j'aime pas non plus, c'est les médias qui veulent tellement être proche de la nouvelle à la minute près, qui vont publier, tu sais, la photo des deux gars avec juste une main dans un gant, là, genre, qui ont mais tu sais, ils l'ont publié disant que c'était officiel, mais ce n'était pas encore. Puis là, ben, il a fallu attendre que ce soit officiel, mais eux, ils l'avaient déjà publié. Puis, tu sais, ça aurait pu ne pas être une vraie photo des vrais suspects, tu sais. Mm-hmm. En tout cas. Ben oui, puis ça peut faire bien du tort. Ben oui. C'est arrivé par le passé, d'ailleurs, des choses comme ça. Tout à fait. L'autre chose, c'est que, tu sais, je crois pas aux dérives policières puis tout, mais il y a quand même une job de police à faire autour de ça. Ouais, tout à fait. Parce que, je veux dire, ceux qui ont organisé ça n'ont pas tous été... étaient des kamikazes. Il y en a d'autres qui sont encore vivants. Tout à fait. Puis il faut les retrouver parce qu'il ne faut pas qu'ils en réorganisent un autre, on s'entend. Mm-hmm. Fait que peut-être que des fois, pas tout faire filtrer l'information. Tu sais, à mener le droit de savoir, c'est une affaire. Ouais. Mais. Mm-hmm. Tu sais, il y a des lois contre la diffamation, mais il n'y a pas de loi contre la fausse information. T'sais. Ben, l'information, ça, c'est pas un, encore ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. D'ailleurs, comment tu fais fonctionner une loi de même? Exactement. Ça, c'est touché. Ouais. Par le passé, ça marchait sur le système d'honneur, mettons, ouais. On peut dire. T'sais, d'ailleurs, même encore comme au Québec, le conseil de presse, je pense que j'en ai pas parlé ici, mais il y avait la très polémique Jamila Benhabib qui s'est fait reconnaître coupable de en gros, on pourrait dire de fraude intellectuelle. Ouais. C'était entre autres du plagiat. Mm-hmm. Elle était bien énervée de s'être fait dire ça, puis sort un peu partout pour dire que c'est des attaques personnelles, puis ça. Ça reste que, bon, moi, je pense que c'était assez mérité. D'ailleurs, si on lisait ce que le conseil de presse avait publié par rapport au jugement, c'est assez évident qu'il y avait du plagiat là. C'était assez indéfendable. Une autre qui s'inspire de Donald Trump. Donald Trump a copié Ben Carson dans un de ses éditoriaux, complètement paragraphe pour paragraphe. Ah, ben, tu vois, je ne savais pas celle-là. Autre parenthèse de parenthèse. Mais, ça. Puis, le conseil de presse. Au bout du compte, le conseil de presse, c'est un tribunal d'honneur, c'est-à-dire, on te fait un blâme officiel, public, mais c'est tout ce que ça fait. Tape sur le poignet. Tape sur le poignet, t'as pas une amende, tu feras pas de prison pour. Bon, tu entends, tu feras pas de prison pour du plagiat, mais. Tu sais, t'as pas de. Il y a comme pas vraiment de conséquences, là. C'est un avertissement. C'est ça. Puis. Pendant longtemps, je pense, le journalisme a fonctionné sur l'honneur, puis peut-être qu'on est rendu au bout de ce que l'honneur n'est plus suffisant. Il y en a peut-être plus d'honneur tant que ça. On est dans le postmodernisme. Ouais. L'honneur, c'est plus une affaire qui, tu sais, c'est ça marche plus de même. Et là, on est parti bien, on est allé bien loin, on est retourné dans un de nos bons vieux sujets qu'on finit tout le temps par parler, les médias puis tout ça. Mais c'est tellement le fun. Ouais, c'est tellement le fun, puis en même temps, c'est un peu déprimant, tu sais, parce que comme on disait, tu sais, c'est des choses comme les attentats, ça rend Ça fait ressortir un peu le côté populiste aussi en même temps. Puis tellement. Il y a une partie qu'il faut qu'il. Tu sais, je pense qu'il y a une forme de deuil à faire par rapport à ça. Puis je pense que les médias peuvent contribuer à ça. Mais à un moment donné, c'est quand est-ce que ça devient de l'écrapou, là. Ouais. Montrer des scènes. Sensationnaliste, c'est ça le mot que je cherchais, merci. Ça fait plaisir. Pour le tu sais, de vraiment, là, tu sais, flasher, là, mettre de la violence, entre guillemets, pour mettre de la violence, là, pour mettre à se prouver. Comme hier, sur Facebook, il y avait une photo d'une fille qui avait la blouse complètement déchirée, semi-brûlée. Elle saignait de partout. Puis l'autre fille au téléphone à côté, en train de saigner. Mais tu sais, pourquoi? Pourquoi? Premièrement, qui a pris la photo sans les aider? Ouais. C'était pas un selfie? Non, vraiment pas. Les deux filles pleuraient, puis c'était pris comme vraiment par un téléphone en plus. Tu sais, je suis comme... T'es en plein milieu d'un attentat. Pourquoi tu ne l'aides pas à se lever? Prends la part photo. Ouais, je pense que ça en dit long quand même sur... Peut-être des priorités aux mauvaises places. Mettons. Parlant de priorités aux mauvaises places. Bon, regarde-moi ça, l'autre. Attention. Mais, tu sais, une des choses, puis là, on va le voir, là, ça va déjà commencer. Puis d'ailleurs, là encore, je reviens avec mon sujet de base, Marine Le Pen. T'avais un sujet de base? Vrai. Parce qu'elle en a profité. Hier, elle a été invitée à LCN pour commenter. Ah, LCN, les bons LCN du grand journalisme, oui. Étais-tu avec Denis Lévesque? Oui, le Québec en parle, je pense, non? J'ai refusé d'écouter ça. Je suis pas sûr. Par principe, ça représentait à peu près tout ce qui, selon moi, est le problème avec notre monde présent. Denis Lévesque? Marine Le Pen à LCN avec Denis Lévesque. Oh, juste pas de n'entendre parler. C'est comme un mauvais gag, ça dirait le début d'une blague. Marine Le Pen avec Denis Lévesque à LCN. C'est ça. Rentre dans un bar. Rentre en onde. Mais puis là, c'est que le problème, puis si on l'a vu, puis ça va le faire à toutes les fois, c'est que là, il se trouve du monde pour essayer d'éteindre le feu, puis de dire ça s'appelle du terrorisme parce que leur but, c'est de faire peur. Ouais. Fait que si on a peur puis on succombe à la peur, ben on leur donne ce qu'ils veulent. Et voilà, on dit à chaque fois ça. Comment est-ce que l'État islamique recrute? Ben, c'est quoi leurs arguments? Premièrement... As-tu peur? C'est peut-être ça leur premier argument. Mm. As-tu peur? Tu sais, il le demande à quelqu'un. As-tu peur? Ouais, pourquoi? Viens combattre avec nous. Ben, c'est ça. Vous voyez, ça marche. On leur fait peur. Ça marche. Deuxième gros argument... On s'entend, les gens qui partent, les jeunes qui partent de Belgique puis de France pour aller rejoindre l'État islamique en Syrie puis en Irak, c'est pas les, on s'entend que c'est pas des jeunes comment dirais-je, blonds aux yeux bleus d'héritage catholique que leurs ancêtres sont en France depuis 4000 ans, là, on s'entend? Là. Les gens qui sont pour le Front National. C'est des immigrants, des descendants, des immigrants de deuxième génération, comme on appelle, c'est-à-dire que leurs parents ont immigré, c'est des choses comme ça, qui se sont jamais intégrés à la société, qui ont jamais été intégrés comme du monde à la société française et ou belge et ou québécoise. Ouais, c'est ça. Name it, parce qu'il faudrait pas leur donner un ordinateur pour qu'ils puissent s'intégrer, tu sais. T'sais, on entend tout le temps les chialeux, des affaires gratuites, faudrait pas leur donner des affaires gratuites. Ah, mais ils vont s'intégrer ça. Ça, c'est une motadite mauvaise habitude. Oui, je sais, ça m'énerve. Puis ça, c'est la même affaire, tu sais, puis tu dis des affaires gratuites, les accommodements raisonnables, ça rentre là-dedans. Mm. Puis tu sais, dans la vie, tu sais, puis là, ça d'ailleurs, Marine Le Pen est bien forte là-dessus, tu sais. En France, eux autres, c'est pas les accommodements raisonnables, c'est pas le multiculturalisme, eux autres, ils appellent ça le communautarisme. Le communautarisme. On dirait qu'ils veulent comme mettre communiste dedans un peu dedans, puis c'est que, ben, entre autres. Mais comme ça, c'est drôle parce qu'au Québec, le communautarisme, c'est un courant de pensée en philosophie politique. D'ailleurs, Charles Taylor, je sais pas si ça vous dit quoi, commission pour Charles Taylor, c'est un des penseurs du communautarisme canadien, qui est une vision du multiculturalisme dans laquelle on dit, en gros, le communautarisme... Puis là, c'est ça, il faut faire la différence parce que c'est pas vrai, c'est vraiment pas la même affaire. Ce qu'il dit, en gros, c'est que le communautarisme, en gros, ce que ça dit, c'est que en tant que personne, on est porté à s'associer à une communauté de gens, à certaines personnes qui nous ressemblent. Oui, exactement. Par exemple, comme mettons, on pourrait dire que c'est fou, puis le Zone Campus, c'est le GME, c'est une communauté de gens. On tripe tout un peu média, média indépendant, on a certains intérêts communs. De gens de différentes communautés, là, on accueille tout le monde. On a beaucoup de Français, on est beaucoup de... Ouais, c'est ça, mais tu sais, dans le sens qu'on a des intérêts communs, puis c'est un peu un groupe d'attachement, on peut dire, par exemple, comme tu pourrais dire que tu pourrais t'attacher à ton programme. Ça, c'est de dans ça, un 5 à 7, tu restes avec le monde que tu connais, tu sais, c'est ça. Ce qu'on va dire, le communautarisme, mettons, je veux pas... Mais mettons, le communautarisme intelligent, on va le dire de même. Okay. C'est un peu ça que ça dit. Ça dit qu'on a besoin d'appartenance, puis que pour se sentir à l'aise de rencontrer les autres, ben il faut avoir un genre de groupe d'appartenance puis se sentir, je sais pas comment dire, sécure dans ce groupe d'appartenance-là. Ouais. Il faut se sentir sécuritaire pour être confiant pour aller vers l'autre. Il faut avoir une zone de confort, c'est ça. Il faut avoir une base qui nous permet de retourner. Un lien d'attachement. Ça, c'est le communautarisme, mettons, de Charles Taylor, entre autres. Charles Taylor au Québec, parce qu'il y a un dictateur en Afrique qui s'appelle comme ça aussi. Mais, la même chose. Charles Taylor, notre bon Charles Taylor québécois, montréalais. Bon, Hitler, tu sais, Jean Hitler à Montréal. Non, vraiment pas. Mais c'est ça. Bon, ça, c'est... Puis en France, eux autres, le communautarisme qu'ils appellent, c'est le fait de faire des accommodements raisonnables. Ouais. Mm-hmm. Puis eux autres, ils aiment pas ça parce qu'ils se disent « Ouais, mais là, c'est la donnée des affaires que les autres n'ont pas. Mm. Puis quand t'es un citoyen, t'es supposé d'être tout le monde pareil, puis nanana, puis tout. » Puis là, ça c'est fatigant parce que le but des accommodements raisonnables, c'est justement de faire que... Les remettre sur un pied d'égalité que les autres ont déjà. Puis là, je vais utiliser une image que... J'ai déjà utilisé ça dans un séminaire de maîtrise comme image, puis ça a créé l'hilarité générale. Ça va être bon, ça va être bon. Ou on la comprend. Les accommodements raisonnables, ça sert de lubrifiant. Vu comme ça. Okay. Mais c'est ça pareil, parce que ça les aide à... S'insérer. Écoute, oui, je suis en train de dire ça en nom d'Aradie. Ben oui. Mais c'est ça pareil. À 8h30, hein? Ouais, c'est ça. Mais titre de l'épisode, du lubrifiant, ça sert à s'insérer. Moi, je dis ça, tu sais, c'est comme, mettons, c'est comme deux pièces de métal qu'il faut que tu en rentres une dans l'autre. Ben, faut des fois que tu mettes un peu de graisse pour que ça fitte bien. Moi, c'est de même, je le vois. Si tu penses autrement, c'est pas mon problème. Bref, donc, c'est un peu ça l'idée, c'est d'aider les nouveaux arrivants à mieux se sentir acceptés. C'est de, tu sais, c'est de permettre à ce qu'ils puissent mieux, mettons, respecter la norme. Ben, on va leur donner une petite poussée de plus, mettons, pour que ça aille mieux, parce que les autres viennent d'une... Ils ont une longueur de retard, Ils ont ce qu'on va appeler une socialisation différente. Mm-hmm. C'est-à-dire socialisme ou communisme. Non, mais là, c'est socialisation. C'est plus dans le sens de sociologie. Ouais. C'est-à-dire que, bon, la socialisation, c'est quoi? C'est le fait d'apprendre à vivre dans la vie, en gros. Mm-hmm. Toutes les petites règles implicites de... C'est bien niaiseux, mais tu sais, quand tu vas... Le fait de savoir qu'au Québec, si tu veux te procurer de la nourriture, tu cherches pas le marché à ciel ouvert. Tu cherches le IGA, dans le sens que c'est des supermarchés, puis bon, il y a d'autres pays dans le monde où ce que t'as vraiment une place, t'as comme une rue avec les vendeurs de bouffe sont là, puis tu vas là, puis si tu le cherches à Trois-Rivières, c'est ça, si tu cherches ça en arrivant à Trois-Rivières, tu vas avoir de la misère, puis ça, là, c'est un exemple ben anodin, mais c'est quand même ça, la socialisation, c'est tout savoir ces petites règles de vie-là implicites, qui sont pas très, tu sais, qui sont pas écrites à nulle part, puis tout, puis bon, des fois, ça va chercher jusqu'à même, des fois, la place du religieux, par exemple, il y a des gens qui, eux autres, pour leur conviction personnelle, faut qu'ils prient une fois de temps à autre dans leur journée. Ben, leur permettre de prier une fois de temps à autre dans leur journée. Des fois, leur laisser un 5 minutes pour qu'ils puissent prier dans un coin, ben, ça leur facilite pas mal la vie. Puis ça fait qu'après ça, ils se sentent mieux acceptés. Puis ils ont l'impression de faire partie du groupe. C'est pas en leur enlevant leur pause pipi pour qu'ils puissent aller. C'est ça, tu sais. Bon, tu sais, c'est un peu tout ça. Fait quand les accommodements raisonnables visent à vraiment comme. Vraiment, là, deviennent des privilèges, c'est-à-dire que là, ils donnent vraiment plus. Ils n'aident plus à l'intégration, ils font le contraire de l'intégration. Là, effectivement, on appelle plus ça des accommodements raisonnables, on appelle ça des erreurs. Si on leur donnait un cinéma maison pour qu'ils puissent se divertir, à la place de juste leur donner un ordinateur pour qu'ils puissent trouver une job, tu sais, c'est pas ma affaire. C'est ça, tu sais. Ça, c'est l'encore parce que, ben, regarde, c'est un bon exemple. Quand ils arrivent dans un nouveau pays, ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de réseau dans le sens réseau de contact, ils connaissent pas comment que ça marche l'emploi dans un pays. Puis, pour dire, pour être en recherche d'emploi présentement, c'est pas facile. Déjà, quand que tu viens du pays. Fait qu'imagine en plus quand que tu parles, ou peut-être tu parles avec un accent, t'as un nom un peu étrange. Que ton diplôme n'est pas reconnu, etc. Ton diplôme n'est pas reconnu, tout le kit. T'as besoin d'aide. Ben oui. C'est juste normal. C'est normal. C'est ça une société. Ils leur donneront pas une bombe, l'ordinateur. Fait que calmez-vous. Excuse-moi. Ils leur donneront pas un ordinateur super puissant. Non, non. On s'entend quelque chose qui se plug sur Internet. Ouais, c'est. Ouais, mais. C'était un match de mots plantes un peu. Ouais. Il a fait semblant de ne pas avoir fait exprès de l'avoir fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ça a passé comme du beurre dans le poêle. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Ça a glissé. C'est ça. Comme deux pièces de métal. Comme du lubrifiant. Bon. Mais non, c'est ça. Puis c'est l'erreur que plein de populistes, comme Trump, comme Marine Le Pen, va dire. Puis d'ailleurs, Marine Le Pen, qui est d'ailleurs une grande défendresse de la... Oui, je fais ça vite, monsieur. Je te regarde la face aller. Non, je regarde le gardien de sécurité, qui se demande pourquoi la porte est restée ouverte de l'autre côté. Je suis facilement déconcentré. C'était un beau moment de radio, ça. Merci. Mais non, c'est ça. Puis qui est venu d'ailleurs, qui a critiqué le gouvernement canadien et québécois pour dire qu'on a une politique de bisounours. Qu'est-ce que les bisounours? C'est les calinours, mais en France. C'est ce que nous autres, on appelle les calinours parce que bisou en France. Et que ça s'adapte pas au Québec, mais les Français. C'est fou, hein? Mais au Québec, tu sais, bisounours, on s'entend-tu qu'il y avait d'autres faciles à faire? C'est pour ça qu'ils ont changé de nom, en fait. C'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Mais en tout cas, on nous a traité de bisounours à cause qu'on accueille des immigrants et qu'on veut en accueillir plus. Est-ce que l'animateur 25 000 sur une quarantaine de millions de population, c'est pas énorme de toute façon comme nombre de réfugiés. Puis bon, que c'est ça, qu'en gros, elle nous traite de dire qu'on vit dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu drôle venant d'une politicienne qui est pas d'ici, on s'entend. Elle est partie de, tu sais, c'est une politicienne française qui vient au Canada, puis qu'elle, son gros cheval de bataille, c'est la souveraineté nationale, tu sais. Les Français prennent les décisions pour les Français, puis ils ont pas à s'occuper des décisions prises par les autres, puis tout. Puis après ça, elle vient nous dire que notre politique d'immigration, c'est de la chenoute. Tu sais, cohérence des fois. Faut en prendre puis en laisser, ouais. Faut en prendre puis en laisser. Fait que, morale de l'histoire, je pense que je vais finir là, parce que je pourrais repartir sur bien d'autres chiens. Est-ce que ce sera ton argument? Le penultime argument. Ça se pourrait être une émission de radio, tu sais. Penultimate, ouais. C'est vraiment ça en anglais. Non, je comprends, mais le gag est là pareil. T'écoutes trop TV américaine, Mathieu. M'excuse. Tania et moi, pareil. Ah! Hey, on utilise les mêmes. Implique-moi pas dans tes histoires. Des mots que j'utilise pas en français, t'en utilises à tous. C'est vrai, j'en sens ça. Fais pas semblant. TSN, c'est pas américain. C'est anglophone, par contre. Ouais, c'est canadien-anglais. C'est pas américain. Non, c'est quand même mieux que Mathieu. Merci. Au Canada! Commence pas ça, s'il te plaît. Fait que, ben, c'est ça, en gros, ça a été une belle grosse chronique avec podcast pantoute parce que je savais pas pantoute ce que ça s'en irait, c'est vraiment parti de tous les bords, mais c'était. Ben oui. Morale de l'histoire, ne cédons pas à la peur et continuons d'accueillir ceux qui fuient la guerre. Merci. C'était ma conclusion. Fait plaisir. Et le mot pénultième est un mot qui existe en français? Ben, tabarouette. Attends, quelle est la description, par contre? La définition? Ça vient du latin. Penultimus. Penultimus. Penultimus. C'est pas loin. Qui veut dire avant-dernier. Et la définition, attends un peu, nom commun, avant-dernier, souvent utilisé pour désigner l'avant-dernière syllabe d'un vers, utilisé également dans les actes de catholicité anciens pour désigner l'avant-dernier jour du mois. Je gagne. Ah. Merci, Sébastien. Je pense qu'on a fait ta journée, là. Ouais. Hey, c'est parce que j'ai rarement raison. Mais quand j'ai raison, je suis content. Sauf que là, tu sais, toi, tu t'en vas, tu me laisses, là, il va le dire toute la journée. Ben oui, puis là... Alors, c'est la pénultième qu'on est de la journée, là, c'est la pénultième émission de la semaine. Puis là, il va continuer à t'achaler avec le fait que t'as un iPhone de taille raisonnable. Exactement, contrairement à lui. Et voilà, j'ai un huge iPhone. Tu sais, ce rendu-là, c'est plus un iPhone, ça devrait s'appeler un iPad mini. Ouais, vraiment, c'est d'accord. Sérieusement, c'est vraiment un homme. C'est à peine s'il rentre à côté de la console. Ah non, c'est à peine s'il rentre dans sa poche de téléphone. Il prend à moitié de la table, Colin. Mais c'est pas mal la pénultième grandeur que je préférais. J'aimerais ça l'avoir un petit peu plus grand. Pénultième. Sérieusement. Ça va devenir son mot fétiche. Moral de l'histoire, achète-toi un iPad mini avec le LTE, puis genre, ouais, endure-toi avec ça à la place. Je suis d'accord avec toi, mais c'est le processeur qui est plus puissant dans un iPhone 6S Plus qu'un iPad mini. Fait que, tu sais, hein? Là, on est en parler vraiment longtemps. En train de parler de ça. On pourra en parler longtemps. Merci Sébastien Viertin, on apprécie. Android, achetez n'importe quoi sauf Microsoft, on est correct. Okay? Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Ou BlackBerry? Ben, je connais bien du monde. Ah, BlackBerry, je suis d'accord. Ouais, BlackBerry aussi. BlackBerry n'est plus. Ben, quoi qu'en fait, ils ont fait un bon move, BlackBerry. Ils ont sorti le Priv qui est sur Android. Il était temps, Colin. Ouais, t'as raison. C'est qui est, en fait, qui est probablement, en tout cas, je serais curieux d'en avoir un des mains de ça, honnêtement, ouais. Parce que c'est vraiment le meilleur des mondes. Il y a un clavier physique dessus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, je suis d'accord avec lui là-dessus. Sébastien F. Gertin, encore une fois, on te remercie. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Et vous allez voir la prochaine nouvelle. C'est assez baveux. C'est assez baveux pour nous, hein, humains, qui se cassent le cul pour arriver. Eh bien, je vous présente les animaux qui gagnent, en tout cas, ou qui ont gagné pas mal plus qu'on va gagner dans notre vie, hein? Ben oui. Donc, pouvez-vous croire qu'il y a plus d'une quarantaine d'agences pour animaux comédiens à Hollywood? Une quarantaine d'agences pour animaux comédiens à Hollywood. Il y en a au moins une ou deux à Montréal. C'est que ça fait vendre des animaux à l'écran. Hein? Voici le top 7 des animaux les mieux payés de l'histoire du cinéma. Et le tout accompagné de petites vidéos qui vont vous faire replonger dans l'enfance. C'est garanti. On n'ira pas écouter les vidéos, mais quand même, on va bien décrire. Ah oui, on a cherché en vain le salaire du Chihuahua de Beverly Hills et celui du Chien Noir de l'Auberge du Chien Noir, mais ça semblait que ça soit trop secret. On commence avec nos animaux millionnaires, ou presque. Je vous parle de mon ami Willy. Ben oui, hein, il s'appelle Keiko et il a marqué peut-être votre enfance comme jamais. Il a contribué au méga succès des parcs SeaWorld qui ont annoncé récemment qu'ils allaient arrêter tous les spectacles avec des orques et c'est tant mieux. Keiko est décédé d'une pneumonie en 2003. Il est passé de capturé en Islande à pogné dans un aquarium au Mexique pour ensuite être projeté sous les feux de la rampe. Suite aux nombreuses pressions des médias et des protecteurs des animaux, on a libéré Keiko dans la mer islandaise en 2002. Peu de temps après, Willy meurt à l'âge de 27 ans en laissant derrière lui environ 36 millions de dollars, tous provenant de la franchise. Mon ami Willy, 36 millions de dollars que ça leur a apporté. Si je vous parle de Toto, vous savez où c'est qui? Ben oui, Toto, c'est le beau petit chien, là, tout ébouriffé. Toto, c'est l'ami de Judy Garland dans le célèbre Magicien d'Oz. L'original, bien sûr. Terry est une petite chienne, Cairn Terrier, qui a volé la vedette à Judy Garland en 1939 sur le plateau du Magicien d'Oz. Elle gagnait 125 $ par semaine et avait sa place de choix dans la loge de Judy Garland, qui a même voulu l'adopter. La chienne semble faire craquer tout le monde, et spécialement les jeunes filles, car quelques années auparavant, elle avait joué aux côtés de Shirley Temple et de Dorothée. La chienne Terry, hein, qui était Toto dans le film, a même une biographie car elle a laissé sa marque sur Hollywood. On nous dit pas par contre comment qu'elle a fait. Ben, 125 $ par semaine, mais c'est en 1939. Si je vous parle de Crystal, qui est le singe dans Hangover 2. Crystal, c'est ce fameux singe dans le film Hangover 2. C'est quoi, gueule, je sais pas, lendemain de veille en français. Donc, cette franchise des films Night at the Museum avec Ben Stiller aussi a joué là. Crystal, lorsqu'elle faisait de la télé régulière dans Animal Practice, gagnait 12 000 $ par épisode, ce qui veut dire 264 000 $ américains par saison. Madame sait comment gagner sa vie, comme on dit, elle est toujours vivante et roule toujours sa bosse dans divers projets. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec son cash, Crystal? Hein? Et là, on la voit habillée avec une petite robe de princesse. C'est magnifique. On aurait le goût de la kicker. Et non de la kisser, la kicker. l'ours Bart. C'est 6 millions de dollars que Bart a accumulé au fil de sa carrière. Décédé en 2000 à l'âge de 23 ans, Bart avait un CV plus important que la plupart des acteurs. Fait intéressant, Bart provient d'une famille d'acteurs ours en plus. Oui, ça existe. Son premier rôle était en 1981 pour ensuite partager l'écran avec des Morgan Freeman, Robert Redford, Ethan Hawke, Steven Seagal, Alec Baldwin, même Brad Pitt. Bart était tellement bon acteur qu'en 1988, on a voulu le nommer aux Oscars pour son convaincant rôle dans le film L'Ours. Il n'a pas pu être nommé car on interdit les animaux dans la course. On veut une pétition contre ça. Hein? Bart aurait pu gagner contre à peu près n'importe qui. Son jeu était le plus crédible. Sinon, je vous parle de Jimmy le corbeau oublié. Jimmy le corbeau, semble être le grand oublié des vedettes animales. Il a pourtant joué dans plus de 600 films sans toutefois être au générique. Pas très cool pour ça. Hein? En 1938, il a joué dans le film oscarisé « Vous ne l'emporterez pas avec vous » de Frank Capra. Celui-ci va même jusqu'à dire que Jimmy est le meilleur acteur du plateau. C'est avec le magicien d'Oz qu'il devient une méga vedette en gagnant pas moins de 5 000 $ par semaine. À l'époque, c'est une fortune. Jimmy a rendu l'âme, en 1954, à l'âge de 20 ans. Jimmy le corbeau. Sinon, Tintin, le berger allemand, eh bien oui, durant sa courte vie, il a vécu 14 ans et est mort en 1932. Tintin faisait la pluie et le beau temps sur Hollywood. C'est que son histoire est vraiment impressionnante. Tintin avait été rescapé d'une tranchée durant la Première Guerre mondiale pour ensuite, de fil en aiguille, faire sa marque sur Hollywood. Ayant déjà plus de 30 films à son actif, dont une nomination aux Oscars en 1929, c'était avant le règlement, et sa série télé, Les Aventures de Rin Tintin, eh bien, le berger allemand gagnait 6 000 $ par semaine. La vedette se promenait en limousine avec un valet et des musiciens qui jouaient sa musique préférée. Du grand n'importe quoi, hein? Juste pour vous rappeler que la moitié de la planète n'a pas d'eau potable en passant. Hein? Non, mais vraiment, c'est d'un ridicule plus qu'assumé, hein? Et le dernier, mais non le moindre, un célèbre animal, eh bien, c'est Lassie, hein? Lassie ne s'appelait pas Lassie, on s'excuse de briser vos rêves. Son vrai nom était, en fait, Pâle, et à lui seul, il gagnait plus cher que sa partenaire de jeu, Elizabeth Taylor. Lassie gagnait plus qu'Elizabeth Taylor. Le premier film de Lassie, c'est Lassie Come Home, en 1943, a été un méga succès et a garanti la célébrité de Pâle jusqu'à aujourd'hui. Au tout début, Pâle gagnait 250 $ par semaine, tandis que la jeune Elizabeth Taylor, eh bien, elle gagnait 100 $. Ça doit être dur pour l'ego, hein? La preuve que Pâle est encore bien ancré dans notre mémoire collective. Eh bien, qui n'a jamais croisé un collé dans la rue et ne s'est pas écrié « Hey, check man, check le beau Lassie ». Effectivement, on appelle les collés des Lassies, hein? C'est encore ça. Et puis pourtant, on est dans une toute autre époque, hein? On parle de 1943, le premier Lassie. Mais c'est resté dans nos cerveaux et notre collectif. Tiens ici une taponne, une innocente, une dame de plastique qui dépense plus de 500 000 $ pour ressembler à Barbie. Une autre folle. Ben oui, I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic. It's fantastic. Mais c'est ça, hein? C'est Nanette Hammond, une mère de famille âgée de 42 ans et originaire de Cincinnati dans l'Ohio, a dépensé la somme complètement folle de 500 000 $ dans le seul but de ressembler à la célèbre poupée Barbie rose. Augmentation mammaire, multiple lifting, injection de Botox, implant dentaire et séance quotidienne de UV. Elle est jaune-orange foncé, brune. Nanette se définit comme l'unique poupée Barbie vivante au monde. Elle bénéficie d'ailleurs du soutien de son mari et de ses enfants qui l'aident à réaliser son rêve. Alors, sexy ou pas sexy, atrocement laid, dégueulasse et épeurant. De toute façon, allez voir la photo, là. Si vous me dites que ça, c'est beau, ben, on n'a pas les mêmes critères de beauté, là. Premièrement, elle est trop maigre. Elle a l'air de casser, et puis comme elle a 42 ans, là, ben, elle n'est pas fraîche-fraîche, je le sais, hein, je connais ces âges-là un peu, là. Elle n'est pas fraîche-fraîche parce qu'une dame qui essaye d'être trop maigre, à 42 ans, des fois, ça va être comme mou, hein. Ça lui fait des jambes affreuses, c'est dégueulasse, elle aide, et puis elle s'imagine belle, c'est ça le pire. Et puis continue de dépenser la fortune que tu ne pourras pas donner en héritage à tes enfants, c'est parfait de même. Miss Porto Rico destituée pour mauvais comportement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le concours Miss Univers 2016 aura créé son lot de catastrophes cette année en commençant par l'erreur monumentale de l'animateur Steve Harvey annonçant Miss Colombie à la place de Miss Philippines comme gagnante. Mais celle qui fait jaser le plus depuis un certain moment, c'est Miss Porto Rico qui vient tout juste de perdre sa couronne pour mauvais comportement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, Krish Tilly, Carried, de 24 ans, s'est vue nommée Bad Girl des Reines de Beauté cette semaine en ayant mentionné en entrevue qu'elle n'aimait pas du tout prendre part aux événements entourant son titre et qu'elle n'aimait pas les photos et les caméras. De plus, elle ne se serait pas présentée à certains de ses engagements. Mauvais comportement ou belle prise de conscience honnête de sa part? Moi, je vous le dis, c'est plutôt une belle prise de conscience de sa part. Il n'en fallait pas moins que pour que le comité national de Porto Rico largue la Christy Lee pour la numéro 2 dans la course, soit Brenda Jimenez. Voici ce qu'elle a dit, ce qu'elle avait à dire sur Christy Lee. J'ai vu tous les dommages qu'elle a causés à l'organisation. Miss Porto Rico est un titre important et public, et c'est une partie du travail, c'est d'être devant les caméras. Ce à quoi répondait la Bad Girl sur son Facebook, oui, qui a été retiré quelques instants plus tard. Elle a dit « Je voudrais offrir mes plus sincères excuses à tous mes fans, mais premièrement à ceux qui m'ont soutenu depuis le début de l'aventure, mon équipe et à l'organisation de Miss Univers. Cela n'a jamais été mon intention de vous blesser ou de ternir l'image de ceux qui m'ont aidé à être ici. Mais la question est la suivante, pourquoi s'est-elle inscrite à Miss Univers quand 103% de la job est de se faire prendre en photo et se faire filmer? » Ça, l'histoire le dit pas, puis la question est très bonne. On salue cependant le courage qu'elle a eu d'être fidèle à ses valeurs et de s'écouter. Allez voir ça, belle femme, bien sûr, et avec ses commentaires en plus, elle semble intelligente, j'ai bien dit. Mais effectivement, pourquoi t'inscrire là si tu veux pas être là? Hein? Ça, c'est une bonne question. Et puis ici, on va quitter avant d'aller en musique avec ce renard qui rit, qui a été vu plus de 58 millions de fois. Donc, quand on pensera au mot viral, on devra dorénavant passer à ce Vine de Anchor, le renard arctique qui rit à gorge déployée. En moins de 8 jours, cette vidéo a été vue plus de 58 millions de fois. La propriétaire de ce renard d'Arctique, Christina Sayer du Michigan, affirme que Archer rit à chaque fois que son copain rit. Personne ne le croyait, alors elle a publié cette courte vidéo. C'est assurément la chose la plus cute et la plus drôle du monde. Christina affirme que Archer fait de drôles de cris et qu'il sonne parfois comme un singe. Il fait aussi un hurlement de loup lorsqu'il veut entrer à l'intérieur de la maison. Elle affirme aussi que d'avoir un renard comme animal domestique n'est clairement pas pour tout le monde. Elle mentionne qu'ils ne sont pas faciles à domestiquer. Puisqu'elle avait envie d'avoir cet animal, elle y a mis les efforts. Il faut dire que de posséder un renard comme animal domestique est complètement illégal dans plusieurs États américains, et ainsi qu'ici au Québec. Avouez que vous en voulez un en ce moment même. Effectivement, on a le goût d'en avoir un. Et on va aller écouter, donc, rire notre petit renard ici. On va aller faire 60 000... Là, ça vient d'être vu 60 millions de fois. Fait que ça continue, ça n'arrête jamais. On voit le nombre de fois que ça a été vu. On y va! Donc... Ben oui, vous l'auriez entendu ici. Et à chaque fois qu'on le fait jouer comme ça, ben on rajoute un loop. Ça n'arrête pas. C'est rendu à 60 338 865. Et là, on est rendu déjà à 946. C'est incroyable. Et puis après, on est des créateurs, des réalisateurs. On met du temps, on met de l'argent pour faire une vidéo. Et on réussit à avoir 1000 vues des fois quand on est chanceux après plusieurs mois. Hein? Et on est rendu là. Que voulez-vous? Les gens veulent de la connerie. Facile à digérer. Sur ce, on s'en va tout de suite en musique. On va avec la formation Dead Obies, l'album Gets What On Squirk, ou Don's Werk, devrais-je dire, Gets What On's Werk. La pièce que je vous propose, eh bien, c'est Johnny ou Johnny, comme vous voulez. On écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. Deux instants, je vais le changer de lecteur, parce qu'à chaque fois, j'ai joué ce disque dans le lecteur 3. C'est des détails qui sont peu importants pour vous, mais ça me permet de meubler le temps, parce que ça prend un petit certain temps. Eh bien, ça marche jamais, il saute tout le temps. Alors, on y va tout de suite, on y va avec Johnny. Dis-moi, qui est le pire et qui est le meilleur? Le patin avec les pockets pleines de billets ou celui qui est le pire? Tu peux te suivre si tu veux, mais si tu sais qui est ton leader, son of a preacher du rapture, turn a septic believer. Jeune Jésus pour ses chillers, cite les verses comme les prières, le pire. Call it audio, tant que je lis pour me pire. Mon wig a pitch, la première pierre, puis j'en bats tirer mon pire home. Parmi les haters, mon nom virus, que t'herons se barre mon pas comme un problème. Quand ton ado turn wiggle, quand ta girl a turn 20, puis c'est avec 20 qu'elle turn up, puis bat ton pote quand la police dit mieux, juste barrer tes deux portes, puis get une coupe de scatawa pour mieux torcher les dégâts parmi les dishes, les big up. Money bitches and hip-hop vaut mieux être hated pour être leader. Lunettes aimées pour ce que je suis pour ça. T'as wake up on a really tooth back, Macavé. Passe un message à des amis, Johnny. Personne est à l'air, il faut que tu call. Call, call, call, call, Johnny. Go, oh, ben t'es ben trop cool pour give a fuck. Faut que tu call, call, call, call, call, pas bien mieux, j'en ai. Tu vas te faire mal à mon nez, j'ai dit hey, hey, hey. Peut-être que je suis pas faite pour toi, un peu mon nez, j'en ai. Tu devrais te faire à l'idée. Slow down, chum, Johnny be good. Go, go, Johnny go, go, Paul, I mean none. Can't quit, but a part of me would. I'm automatic, mon CD non-stop. D'autres en autopris dans le traffic. You believe in this shit, send me autobiographic. I'm on, dope money hoes. Pourquoi tu dis ça? I don't know, moi je suis à cause. It's all about the money. It's possible to cash, I suppose. They're a dummy, you a kid, I mean la question se pose. Y'a been fact, I've been running, mais c'était jamais pour me sauver. Pas toujours le shit, mais toujours raté pour m'en sauver. Cool, cool, cool. T'en connais qui sont flat de même. J'suis out of mind, a star. Combien tu prends compte et qui parle de même? On est live, on du rêve, on a Friday night. C'est mon fake it till you make it shit pour être tonight. Still showman since day one de Monomite. T'as le syndrome de Napoléon, I'm dynamite. Boss! Yeah, j'en parlais bien avant le light. Bien avant qu'il me paye une part de night. Alright! I'm the man, baby. Gotta be humble now. I'ma be number one, I'ma faire un homme de moi. So, boss moi ma net, I'ma do it. Contre un rack, get 20 like it ain't none to it. Say Joe, rock. Oh my god, I'm lay low. Fake it plain shows, gon' need for hell no. Got big shows coming up, like whoa. Take the money and you go. Hey, Johnny, tu cas joues avec le feu, mais t'es pas bien mieux. Johnny, tu vas te faire mal à mon nez. J'ai dit hey, hey, hey. Peut-être que je suis pas faite pour toi, un peu mal nez. Johnny, tu devrais te faire un lit. Johnny de Dead Hobbies. Vous êtes toujours en dîner de con avec Danny Janvier. Et on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Ici, on se fait un top des 5 maisons hantées les plus terrifiantes au monde. On en fait souvent. Et puis souvent, il y a une ou deux maisons qui reviennent dans ces tops, mais il y en a tout le temps des nouvelles. Fait que moi, j'aime bien les choses un peu étranges. J'aime bien le paranormal. J'aime bien l'inexpliqué. Alors, on s'envoie ça tout de suite. Ces maisons sont vraiment flippantes. Elles sont situées aux quatre coins du monde. Elles seraient vraisemblablement habitées par des fantômes. Oseriez-vous y passer la nuit? Peut-être que si vous y passez la nuit, il y a une vieille tante qui va vous donner 1 million, puis vous allez hériter de la maison. C'est possible. Donc, iriez-vous visiter une propriété construite en 1885 où de nombreux fantômes ont été aperçus? Eh bien, c'est à Monte... La propriété s'appelle la Monte Cristo, près de Juni, en Australie. Selon la légende, ces apparitions surnaturelles seraient le résultat de plusieurs morts survenues dans la propriété depuis sa construction, selon un tabloïd britannique qui est quand même très connu, le Daily Mail. Plusieurs témoins affirment avoir vu le fantôme de l'ancienne maîtresse de la propriété, Madame Crawley, et il y aurait aussi celui d'un bébé mort après avoir chuté dans les escaliers. À cette époque, la nourrice avait assuré avoir été poussée par une force surnaturelle. Une femme de chambre serait aussi tombée accidentellement du balcon, ainsi qu'un garçon d'écurie serait mort brûlé. Comme si ce n'était pas suffisant, Harold, un homme avec des problèmes mentaux, aurait été enchaîné durant 40 ans dans la maison du gardien. Il aurait été retrouvé recroquevillé à côté du corps de sa mère morte et envoyé dans un institut psychiatrique où il serait décédée. Finalement, le fantôme de Lady Dorothy Walpole, la femme de l'ancien premier ministre, qui aurait trompé son mari et qui serait morte après avoir été enfermée dans une chambre de la résidence, eh bien, elle entrait les lieux, elle aussi. Et dans les années 1960, c'est un gardien de la propriété qui aurait été assassiné par un adolescent de la région souffrant de troubles mentaux également. Vous doutez encore? Eh bien, plusieurs témoins ont assuré avoir vu des figures fantomatiques. Des chats mutilés auraient été retrouvés dans la cuisine et des bruits de pas auraient été entendus dans la maison alors que personne ne s'y trouvait. OK, mais comment tu fais pour entendre les pas si personne ne s'y trouve? Hein? Qui les a entendus? Peut-être en ce moment, il n'y a personne à même chez nous, puis peut-être qu'on entend des bruits de pas, mais personne ne les entend. Hein? Ça pourrait être une nouvelle, ça aussi. Sinon, la maison du 50 Bickerley Square. Cette fois-ci, on se transporte vers Londres. Avant de devenir la librairie Mag & Bruss, la maison située dans le quartier de Mayfair a été la demeure du premier ministre britannique George Canning au 19e siècle. Depuis qu'elle a été construite en 1740, plusieurs personnes y seraient mortes dans d'étranges circonstances. C'est ce qu'a rapporté le site Haunted London. Une femme se serait suicidée en sautant d'une fenêtre à l'étage supérieur. Elle aurait commis ce geste après avoir été agressée sexuellement par son oncle. Un jeune homme aurait été retrouvé mort dans cette maison. Il aurait été enfermé durant des années et nourri par un trou dans le plancher. OK. Le fantôme d'un certain monsieur M. Myers, ou Mike Myers peut-être, hein? Mike Myers, non, c'est pas le comédien canadien là, qui joue dans Austin Powers. Mike Myers, c'est le tueur dans Halloween. Donc, il aurait été aussi aperçu à plusieurs reprises, largué par sa fiancée. Il se serait reclus dans une chambre du premier étage, devenant fou au fil des ans. À son décès, les nouveaux occupants auraient ressenti un certain inconfort en aménageant au numéro 50 de cette chambre. Un soir, alors que la femme de chambre préparait le lit du prétendant de l'aîné de la famille, un cri se serait fait entendre dans la maison. Elle aurait été retrouvée morte. Oui, c'est ça. Le visage contorsionné par la terreur. Malgré le drame, le prétendant aurait accepté de passer la nuit dans la chambre à une condition qu'il sonne une cloche à deux reprises s'il y avait un problème. Durant la nuit, une première cloche se faisait entendre. Peu de temps après, une deuxième cloche aurait résonné dans la maison. Quand le jeune homme a été retrouvé, il était pétrifié. Il serait mort quelques heures plus tard sans jamais avoir expliqué ce qu'il avait vu. Les autres auraient affirmé avoir vu le fantôme de M. Myers. Est-ce que l'histoire est vraie? Eh bien, depuis 1950, la police a interdit l'accès au premier étage et les employés de la librairie Mag Bruss ne restent jamais seuls à la fermeture le soir. Quand même assez particulier, hein? Quand même, la police a interdit l'accès au premier étage. Sinon, on se transporte vers la Suède, le presbytère hanté de Borgvarnet. Eh bien, le vieux presbytère a été bâti en 1876 à Borgvarnet, le petit village au nord de la Suède. Eh bien, ce village est reconnu en Europe pour être l'endroit le plus hanté de Suède, selon Atlas Obscura. Le premier phénomène paranormal documenté au sein de cette demeure remonte à l'an 1927, alors qu'un homme habitait la maison. Eh bien, il a rapporté un événement étrange qui a eu lieu alors qu'il réunissait ses vêtements pour faire de la lessive. Tout à coup, ses vêtements se seraient déchirés et auraient été lancés au fond de la pièce par une force surnaturelle. Un prêtre vivant dans la maison dans les années 30 a lui aussi été témoin de phénomènes paranormaux. Il aurait aperçu une vieille femme vêtue de gris apparaître dans sa chambre. En tentant de la suivre, l'entité aurait soudainement disparu sous ses yeux. Quelques années plus tard, en 1945, un aumônier qui avait aménagé au presbytère tenait un journal répertoriant tous les phénomènes étranges ayant lieu au sein de cette demeure. Il a raconté qu'une force le poussait régulièrement hors de sa chaise et qu'une nuit, l'une des résidentes aurait été réveillée par trois vieilles femmes assises près d'elle dans le lit. Après avoir fermé la lumière de sa chambre, elle aurait affirmé que les yeux des femmes auraient continué à l'observer. Quand même, assez particulier. La prochaine, quatrième des résidences et des maisons hantées les plus terrifiantes du monde, eh bien, vous allez être assez surpris. On se transporte vers Washington, dans le district de Columbia, oui, à la Maison-Blanche. C'est quand même, hein? La Maison-Blanche, les présidents américains n'auraient pas été les seuls à résider à la Maison-Blanche au fil des ans, d'après le site historique paranormal, le site Histoire paranormale. La demeure présidentielle, qui a été construite entre 1792 et 1800, est située à Washington, dans le district de Columbia, aux États-Unis, serait vraisemblablement entrée et y logerait de nombreux fantômes, dont celui de Abraham Lincoln ainsi que de Andrew Jackson, le 7e président des États-Unis. Pendant un séjour à la Maison-Blanche, Winston Churchill, 63e premier ministre du Royaume-Uni, aurait vécu un événement étrange alors qu'il demeurait dans la chambre de Lincoln, située au deuxième étage de l'iconique résidence. Après avoir pris son bain, il aurait aperçu le fantôme d'Abraham Lincoln debout devant la cheminée. Il aurait par la suite refusé de passer la nuit, le reste de la nuit dans cette pièce. On peut comprendre, hein? Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Jackie Kennedy ainsi que ses enfants auraient également senti la présence de Lincoln dans la chambre. Eleanor Roosevelt a déjà déclaré en entrevue « Parfois, quand je travaillais tard à mon bureau, j'avais l'impression que quelqu'un était debout derrière moi. Je devais me retourner et regarder. » Le chien de Ronald Reagan aboyait aussi à la porte de cette pièce, mais n'y serait jamais entré. Il ne voulait pas y entrer. Hein? Quand même, hein? Ouais, Wilhelmine, la reine des Pays-Bas de 1890 à 1948, aurait également été témoin de phénomènes paranormaux lors de son séjour à la Maison-Blanche. Selon ses dires, elle aurait entendu quelqu'un cogner à la porte de sa chambre au milieu de la nuit. En ouvrant la porte, elle aurait été face à face avec le fantôme d'Abraham Lincoln, debout dans le couloir, qui aurait rapidement disparu devant ses yeux. Hein? Imaginez, là, c'est pas une petite maison inconnue, là. Une des maisons les plus célèbres de la planète. Et finalement, la maison qui a inspiré l'exorcisme, c'est à Missouri, aux États-Unis. La maison qui est au cœur du film Exorcisme, qui raconte l'histoire de deux prêtres qui tentent de délivrer cette jeune fille possédée par le démon, a fait peur à des millions de personnes à travers le globe. Et la vraie histoire qui a inspiré le long-métrage de William Friedkin, sorti en 1973, est encore plus terrifiante. On commence en 1949. Roland Doe, un adolescent de 13 ans, aurait été soupçonné d'être possédé par les forces du mal. Après avoir été initié à des séances de spiritisme avec la planche de Ouija par sa tante Harriet, le comportement du jeune homme aurait commencé à changer. Les manifestations surnaturelles auraient alors débuté dans la maison avec le décès de la vieille dame. Des bruits et des grattements auraient été entendus entre les murs. Des objets auraient été changés de place ou auraient changé de place par eux-mêmes. Des lustres se seraient balancés et l'image du Christ aurait cogné inlassablement contre le mur auquel elle était accrochée. La chambre de Robbie aurait particulièrement été touchée par ses comportements et, selon la légende, quand la nuit tombait, le comportement de l'adolescent devenait de plus en plus inquiétant. Des marques, des ecchymoses ainsi que des bleus, ben ecchymoses et bleus, c'est quoi la différence, apparaissaient ainsi sur son corps au petit matin. En février 49, le jeune homme ainsi que ses parents aurait visité le père Hugues à l'église Saint-James, persuadé que l'enfant était possédé par le démon. Après l'avoir observé, le prêtre aurait demandé l'aide des frères jésuites pour superviser l'exorcisme, une pratique avec laquelle il était peu familier. Puisque le rite n'aurait pas fonctionné, un deuxième exorcisme qui aurait pris du temps à se mettre en place à cause de la réticence de Roland envers les membres du clergé aurait été nécessaire. Après de nombreuses séances, le démon aurait finalement quitté le corps de l'adolescent qui n'aurait gardé aucun souvenir des derniers mois. Encore aujourd'hui, des milliers de mordus de phénomènes paranormaux se rendent à la mythique résidence. C'était les cinq résidences les plus terrifiées, les plus hantées et les plus terrifiantes du monde. Et quand même assez surpris que la Maison-Blanche s'y retrouve. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. C'est le moment de goûter à des choses dans le commerce, en magasin, en dépanneur. Voici une grosse pointe tendresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la grille dans laquelle on goûte à un produit du marché, un produit qu'on ne devrait pas acheter, en fait de la malbouffe, comme on appelle dans le domaine. Mm-hmm. C'est ça qu'on fait à cette chronique-là. Donc, on a plein d'articles, de nouvelles à se faire tout à l'heure, en fin de chronique. Mais avant ça, comme on le fait toujours, c'est qu'on goûte directement au produit sans plus attendre, c'est ce qu'on veut faire. Donc, aujourd'hui, je te présente, Tania, oui. Peut-être pour la première fois de ta vie, quelque chose d'énorme. Mais... je sais pas si t'as déjà vu aussi gros, excuse-moi, c'est une blague. C'est terrible. Je sais bien. Je peux pas croire de dire ça. C'est très, très large. Très plate, mais très très long aussi. C'est une Kit Kat. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Non, c'est la Kit Kat biscuit et crème qu'on a vu se promener dans les magasins, en tout cas depuis les dernières semaines. C'est partout, on n'arrête pas de voir les étalages. Oui. Il y a différentes saveurs. Les barres sont super chères. C'est comme 5-6$ par barre. Je l'ai acheté dans une pharmacie. Wow. En spécial, j'ai pu acheter seulement une seule sorte de chocolat. Je sais qu'il y en avait plusieurs autres. Il me semble qu'il y avait...

Et dans le même domaine, un distributeur automatique de viande, distributeur de pain, de fruits et même maintenant de viande, les automates ne se contentent plus de servir café et sucreries, mais proposent désormais les produits frais au point parfois de s'apparenter à de nouvelles formes de commerce de proximité. À Paris, non loin des étals d'un primeur et d'un fromager, un gros rectangle de métal rouge et blanc annonçant un boucher basque à tout tard a fait son apparition le 8 février dernier. L'un de proposer des cafés et autres chips, ce distributeur automatique se présente comme une extension de l'ami Soulette, la boucherie du quartier. Et puis, permet aux carnivores noctambules ou flâneurs du dimanche de se procurer côte de porc, faux filet et autres saucisses au gré de leurs envies. La machine propose une quinzaine de produits. Les meilleures ventes de la boucherie, mais aussi œufs et sauces d'accompagnement, offrent un service supplémentaire aux clients et aux personnes de passage. Les tarifs sont au maximum 30 centimes d'euros plus cher qu'en boutique, donc quelques cents de plus. Mm-hmm. La différence est imputable à la nécessité d'absorber les frais liés à l'achat de la machine et à la mise en barquette. Donc, il faut les mettre dans des trucs distribuables, des petits emballages, là. Tout fait à base de juste le mettre dans un papier. Est-ce que c'est pas triste un petit peu? C'est un peu triste. Mais non, mais en dessous de la photo, c'est marqué « Ce genre de distributeur permet aux commerçants de générer des ventes additionnelles en dehors de leurs heures d'ouverture. » Mais... Tout est calculé. Même dans les heures d'ouverture, tu dois pouvoir en acheter quand même. Donc, si tu veux éviter le contact physique avec un autre être humain, tu dois quand même pouvoir y aller. D'après moi, il va pas juste charger la machine le soir. Il doit la charger pour que ce soit disponible toute la journée. Ça doit être réfrigéré et tout. Oui, c'est sûr que c'est réfrigéré. C'est comme bien, mais en même temps un peu triste pour le contact humain, tu sais. Ouais. Mais bon, pour le profit. Mais c'est directement à côté de la boucherie, déjà, je pense. Oui, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. Les premiers résultats sont encourageants. Ils s'étaient fixé un objectif de 30 euros de vente additionnelle par jour. On a déjà 5 jours d'avance, donc ils ont quand même fait pas mal plus d'argent que prévu. Ils disent que c'est une nouvelle façon de consommer. Le reste de l'article est quand même assez long sur assemblagerequis.com pour ceux que ça intéresse. Nous, on va devoir terminer cette chronique-là. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecifou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Maintenant, on va aller plutôt rire un peu. Hein? Where's Waldo? Des policiers de Boston trouvent Charlie ou Waldo en état d'ébriété dans une station de métro de la ville. Eh bien oui, hein? Where's Waldo? Il a été trouvé à la South Station. Avec les foules énormes qui se rendent chaque année au défilé de la Sainte-Patrick à Boston, on pourrait croire qu'il serait facile pour quelqu'un de se camoufler, surtout si ce quelqu'un est Charlie, le roi de la cachette. Malheureusement pour lui, son état d'ivresse sur la voie publique l'a rendu facile à repérer et a mené à une expulsion d'une station de métro. Donc, c'est vraiment un gars qui est complètement éméché, mais qui avait vraiment le look tout à fait de « Où est Charlie » ou de « Where's Waldo ». Donc, le chandail bariolé, rouge et blanc, la tuque et les lunettes, le kit exprès pour être un bon joyeux luron. Parlant de joyeux luron, eh bien, paix à ton âme, on vient de l'apprendre, ça vient de sortir. L'ancien maire de Toronto, Rob Ford, est décédé. Eh bien oui, ça vient juste de sortir. Atteint d'un cancer, le conseiller municipal et ancien maire de Toronto, Rob Ford, est décédé. C'est le cœur gros et avec une profonde tristesse que la famille Ford annonce le décès de son enfant chéri, frère, mari et père, le conseiller Rob Ford, à l'âge simplement de 46 ans. C'est-tu vraiment trop jeune, ça? Et quand même, hein, malgré tout ce qu'il a pu faire, le maire Rob Ford, 46 ans, c'est pas un âge pour mourir, hein? Donc, la famille a précisé qu'elle n'émettra aucun commentaire à ce sujet. Son entourage avait mentionné lundi qu'il avait été admis aux soins palliatifs à l'hôpital Mount Sinai de Toronto. Après une première lutte contre le cancer en 2014-2015, Rob Ford avait été de nouveau admis à l'hôpital au début du mois de mars en raison de tumeurs à la vessie. Atteint par une tumeur abdominale, il avait renoncé à obtenir un deuxième mandat comme maire quelques heures avant la limite fixée pour le dépôt des candidatures pour le scrutin de 2014. Il s'était alors contenté de se faire élire comme conseiller municipal dans Etobicoke Nord, le cœur de la fameuse Ford Nation. Son frère, Doug Ford, est un inébranlable défenseur de Rob et avait pris son relais en se présentant à la mairie, et ce, sans succès. Après avoir mené la bataille de sa vie, ponctuée de traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, il avait subi avec succès en 2015 une intervention chirurgicale pour lui retirer une tumeur maligne à l'abdomen. Sa convalescence était bien déroulée. Il était même retourné au travail l'été dernier jusqu'à ce qu'on annonce en octobre 2015 l'apparition d'une nouvelle tumeur, cette fois-ci à la vessie, ouvrant la porte à de nouveaux traitements de chimiothérapie. Eh bien oui, paix à ton âme, Rob Ford. Des Québécois étaient à l'aéroport de Bruxelles. Eh bien oui, des dizaines de Québécois se trouvaient alors à l'aéroport de Bruxelles lorsque les explosions ont été déclenchées puisqu'ils devaient prendre un vol pour Montréal moins de 3 heures plus tard. Le vol AC-833 devait décoller de Bruxelles à 10h30 et atterrir à Montréal à 13h25. L'Airbus qui devait transporter n'a jamais pu se poser à Bruxelles et a été détourné vers Paris. C'est ce qu'a confirmé Air Canada mardi matin. Les passagers de ce vol Montréal-Bruxelles reçoivent un hébergement et de l'assistance pour se rendre à leur destination finale par des vols de correspondance au départ de Paris-Charles de Gaulle dès que possible. Heureusement, tous les employés d'Air Canada à l'aéroport de Bruxelles sont sains et saufs puisque les comptoirs d'enregistrement venaient à peine d'ouvrir. En ce qui a trait aux passagers qui devaient revenir à Montréal mardi, Air Canada n'est pas en mesure de fournir davantage de détails sur leur état de santé. Le transporteur aérien a toutefois indiqué que les gens touchés pouvaient communiquer au 0800-70423 Bruxelles pour obtenir de l'assistance. Justement, par rapport à ça, soyez pas surpris si vous vous rendez à l'aéroport de Montréal et même à Montréal, il y a une augmentation de la présence policière en raison de ces attaques de Bruxelles. Le métro de Montréal et l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau ont augmenté la visibilité des policiers et ont demandé à leurs employés d'être plus vigilants. En matinée, des usagers du transport en commun ont rapporté avoir vu plus d'inspecteurs que d'habitude dans les wagons du métro. On veut rassurer les gens, on n'augmente pas le niveau de sécurité parce qu'il n'y a pas eu d'incident rapporté sur notre territoire, mais on a une stratégie de visibilité au niveau de la STM et du métro, mais c'est simplement une mesure de prévention, c'est ce qu'a expliqué le maire Denis Coderre. Monsieur Coderre s'est dit très choqué par les événements, c'est normal. Il n'y a pas si longtemps, on vivait le Bataclan, mais la première chose qu'on doit se dire, c'est qu'on ne cède pas à l'intimidation et à la violence. C'est ce qu'a indiqué M. Coderre. Pour témoigner du soutien à la Belgique, les drapeaux de l'hôtel de ville ont été mis en berne et le drapeau belge sera accroché au balcon de l'établissement municipal. Les mesures de sécurité ont été renforcées mardi par précaution à New York et Washington après les attentats de Bruxelles avec des policiers armés et des fusils mitrailleurs patrouillant Times Square. Il n'y a pas de menace connue crédible contre l'État de New York, c'est ce qu'a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo, mais par excès de précaution, des membres de la garde nationale ont été renvoyés en renfort à l'aéroport international Kennedy. La sécurité a également été renforcée dans les autres aéroports new-yorkais, ainsi que les gares de Penn Station et de Grand Central. La protection des ponts et des tunnels a été également renforcée, ainsi que celle du World Trade Center ainsi que du métro. La police de New York a aussi annoncé qu'elle déployait par précaution des ressources antiterroristes additionnelles dans les endroits les plus fréquentés de New York et les zones de transport par excès de précaution pour assurer une présence policière et, bien sûr, assurer le public. Des policiers armés de fusils mitrailleurs patrouillant Times Square, la place la plus célèbre de la ville, cette ville de 8,4 millions d'habitants, a été constatée par un photographe de l'agence France Presse. Il ajoute « La police de New York suit de près la situation en Belgique et est en étroit contact avec les partenaires internationaux et le FBI. » Il ajoute qu'il n'y avait aucune intention ou indication connue que les attentats de Bruxelles aient un lien avec New York. À Washington, la patrouille policière a également été renforcée mardi matin dans le métro par précaution. Les départements de sécurité intérieure, la DHS, ont indiqué qu'ils suivaient de près la situation de Bruxelles et qu'ils n'hésiteraient pas, par le cas échéant, à ajuster le niveau de sécurité pour protéger les Américains. Plusieurs attentats coordonnés à l'aéroport de Zaventem et dans une station de métro ont fait plus de 30 morts et 200 blessés mardi matin à Bruxelles, paralysant la capitale de l'Europe. Ici, c'est peut-être un chiffre un peu exagéré, mais en tout cas, on aura les vrais chiffres d'ici peu. Parce qu'à certains endroits, on parle plutôt de 24-25 morts et de plutôt 90 blessés. Mais ça change rien. Un mort et deux et zéro blessé, c'est déjà trop dans des histoires pareilles. Ici, on va se changer les idées un peu avant d'aller en pause musicale. On va se faire ensemble et puis je vais me mettre comme ça à nu devant vous et je vais mettre mon ignorance ou ma culture ou mon inculture devant vos yeux. On va faire le quiz poubelle, recyclage ou compost. Donc, avec l'introduction progressive des bacs bruns pour la collecte des résidus alimentaires dans plusieurs arrondissements de Montréal et plusieurs villes et municipalités du Québec, eh bien, le casse-tête des ordures ménagères, oui, ça va se compliquer encore davantage. Donc, avant de vous lancer dans un grand ménage du printemps pour vous débarrasser de tout le fouillis accumulé depuis l'automne, un petit rappel s'impose quant à la meilleure manière de disposer de vos déchets domestiques. Poubelle, recyclage, compost ou autre, savez-vous vraiment quoi faire avec vos déchets? Alors, on répond à notre quiz ensemble et puis on va se donner les réponses. Question 1. Les ustensiles et verres en plastique jetables. Moi, je pense que c'est pas recyclable. On va aller mettre ça à la poubelle. Ben, c'est parce que ça dépend du code du plastique. Me semble que ce petit plastique cucu-là, il est pas bon. Eh bien oui, poubelle, je pense qu'on l'a fait. La plupart des ustensiles jetables sont en fait en polystyrène rigide, catégorie 6, et doivent être donc jetés à la poubelle. Les contenants de portions individuelles de yogourt vendus en paquets, les barquettes de champignons, les boîtiers de CD ou de DVD, les contenants de crème à café sont également faits de polystyrène. Eh bien oui, c'est triste comme ça. Les restes de viande, les os et les graisses animales. Là, on dit poubelle, recyclage, compost ou autre. Eh bien, c'est clair que d'après moi... On devrait dire poubelle, OK? Mais d'après moi, je parle dans le quiz, mais d'après moi, je vous le dis, les os et les restes de viande ainsi que les graisses animales, on ne devrait pas mettre ça à la poubelle, on devrait mettre ça dans un sac Ziploc et le mettre au frigidaire et puis se faire des bouillons avec ça. Moi, c'est ce que je fais depuis des années et des années. Et puis, je fais les meilleurs bouillons de poulet à Trois-Rivières, ça, c'est clair. Non, mais sérieusement, c'est là que ça se passe, là. Les restes de viande, os et graisses, est-ce que je réponds selon... ce qu'on nous dit, ou hein, recyclage, compost ou poubelle ou autre, moi je dirais autre. Eh bien oui, on dit qu'on met ça dans le compost. Mais moi, j'irais pas donner ça à la ville, là, mes restants de d'os de poulet. Je lui donnerais pas cette richesse. Mais oui, effectivement, on pourrait les mettre au compost. Contrairement au compostage domestique, les restes de viande sont acceptés dans les collectes de résidus alimentaires, de même que les restes de poissons avec arêtes et autres fruits de mer. Donc, toute nourriture ou presque, toute nourriture, oui, va dans le compost. C'est comme je vous disais, moi, c'est que je le garde. C'est pour ça que j'ai mis autre. Mais bon, mettez ça dans le compost. Justement, on parlait de sacs refermables de type Ziploc. Eh bien, poubelle, recyclage, compost ou autre, je pense pas que ça soit recyclable. On va essayer dans la poubelle, tiens. Ah, et non, les sacs de type Ziploc, bien tant mieux, se recyclent, tout comme les sacs d'épicerie non biodégradables. La plupart des emballages en plastique souple, sac à pain ou lait, attache, emballage de papier hygiénique ou essuie-tout, les sacs refermables de type Ziploc sont recyclables. Donc, c'est bon à savoir, ça, je viens de l'apprendre, là. C'est tant mieux. Ben, je mettais déjà tous les autres sacs, moi, dedans. Et puis, même si les gens de recyclage vous disent pas de faire ça, moi, je vous dis, vaut mieux en mettre plus dans le recyclage que pas assez. Sinon, c'est un peu ridicule. C'est pas aux citoyens à savoir tous les codes de plastique et tout le kit. Hein? Déjà qu'ils se donnent un effort pour recycler quand la plupart des grosses compagnies s'en contrefout. Alors, je pense que déjà, dès qu'on fait notre effort, c'est bien. Les gobelets à café et la vaisselle en styromousse, eh bien, c'est à la poubelle. Ben oui, c'est triste de même. Le styromousse et le polystyrène expansé fait partie des plastiques de catégorie 6 et donc n'est pas accepté dans les bacs de recyclage. D'autres exemples de styromousse incluent les emballages protecteurs d'appareils électroniques et les barquettes pour la viande ainsi que pour les légumes. Eh bien oui, mais ça, ce qui est triste, c'est qu'il existe des façons de le recycler, le styromousse, mais semble-t-il qu'au Québec, on n'est pas assez intelligent pour le faire. Si vous avez un réfrigérateur défectueux, poubelle, recyclage, compost ou autre, moi, je vous dirais autre. Eh bien oui, dans la plupart des arrondissements de Montréal et d'autres municipalités, les résidus encombrants comme les électroménagers, les meubles et les matelas peuvent être simplement déposés sur le trottoir devant votre domicile, oui, le jour de la collecte d'ordures régulière. La réglementation peut toutefois varier selon les arrondissements. Consultez les infos collectes ou composez les numéros de téléphone de vos villes ou arrondissements pour connaître l'horaire des collectes dans votre quartier. Si vos vieux meubles ou appareils sont toujours en bon état, optez plutôt pour le réemploi. Kijiji, moi je vous dirais, hein? Il pourrait faire le bonheur de personnes dans le besoin. Consultez le répertoire des adresses de réemploi de la Ville de Montréal via cet article. Mais vous pouvez aller les porter aussi, Village des Valeurs, aller les porter aux Artisans de la Paix, comment ça s'appelle, l'Armée du Salut, Saint-Vincent-de-Paul. Ils vont être très heureux de les prendre. Ou donnez-les à des gens que vous connaissez. Sur Kijiji, hein, il y a une section à donner. Et sur Facebook aussi, vous pouvez aller sur... Il y a plein de sites de vente, plein de sites de dons. Et sans même vous casser la tête, juste sur votre page Facebook, inscrivez un moment donné, « Hey, j'ai un divan à donner ou j'ai une table à manger ou une vieille télé à donner. Y a-t-il quelqu'un qui est intéressé? Venez la chercher. Hein? » Sinon, les coquilles d'œufs, poubelles, recyclage, compost ou autre, ben je sais que c'est dans le compost. Eh bien oui, tout comme le reste les autres restes de table, les coquilles d'œufs vont dans le bac brun. couches, serviettes hygiéniques et tampons. Malheureusement, ça s'en va dans la poubelle. Eh ben oui. Donc, les couches, serviettes hygiéniques et tampons doivent être jetées à la poubelle, mais il existe plusieurs alternatives plus écologiques comme les couches ou serviettes hygiéniques lavables ou les coupes menstruelles, la fameuse DivaCup. Hein? Eh ben oui. Par contre, moi, je suis quand même beaucoup, beaucoup pour le recyclage. Mais sérieusement, là, mon bébé, moi, il est au cégep en ce moment, OK? Mais avoir un bébé demain, je peux vous garantir que jamais j'utiliserai des couches lavables. Vous me traiterez de tous les noms, mais je trouve que monnaie, il y a un bout à tout. Là. Déjà que tu as changé les couches, aller jouer dans la marde, puis laver de la marde, ça me tente pas. Alors, je pense que c'est pas le premier... je le sais, c'est un fléau. Ah, ben oui, c'est atroce. Mais à un moment donné, il y a des limites. On a inventé ça. Puis moi, personnellement, ça me tenterait pas de laver des couches de merde. Je m'excuse. Mouchoir, essuie-tout et serviette de table. Eh ben, ça s'en va à la poubelle. Eh ben non, on peut les mettre au compost. Le saviez-vous, ça? Je viens d'apprendre quelque chose. Donc, mouchoir, essuie-tout et serviette de table, ça peut aller dans le compost. Bien qu'ils soient faits de papier, les mouchoirs, essuie-tout et serviettes de table souillées ne sont pas acceptés par la collecte des matières recyclables, mais ils sont compostables. Vous pouvez également composter les nappes de papier, les assiettes en carton et emballages de nourriture souillées comme les boîtes de pizza. Donc, intéressant à savoir ça, j'en ai appris ici. Les piles rechargeables et non rechargeables. Eh bien ça, on met ça dans le recyclage, la poubelle, le compost ou autre. Moi, je vous dirais autre, parce qu'il y a des endroits spécifiques pour les ramasser. Eh bien oui, ne jetez surtout pas vos piles usées à la poubelle. Elles peuvent contenir des métaux lourds extrêmement toxiques pour l'environnement, comme du nickel, du cadmium ou cadmium, du lithium ainsi que du plomb et autres matières vraiment très, très polluantes. Il existe des bacs spécialement prévus pour déposer vos piles, vos vieux téléphones cellulaires ou même vos vieux disques compacts, Blu-ray, DVD, etc., ainsi que leurs boîtiers usagés qui sont disponibles dans la plupart des édifices municipaux, mairies, arrondissements, arénas ou bibliothèques. Certains magasins d'électronique, certains vendeurs de téléphones cellulaires. À l'université, ici, il y a plusieurs boîtes. J'ai vu au centre d'achat Les Rivières, à l'entrée, il y a une boîte, on peut déposer des piles. Donc, vous n'avez plus aucune raison de jeter vos piles à la poubelle. Et quand je vous dis ça, je me le dis à moi aussi. Hein? Et le plus possible, j'essaie, moi, de prendre utiliser de piles. C'est assez peu pratique, mais on n'a pas le choix. Aussi, dans certaines quincailleries ou pharmacies, il y a un site qui s'appelle « Appel à recycler ». C'est un site Internet de ce programme et pour connaître le point de chute le plus près de chez vous. Si on parle d'ampoules incandescentes, oh, ça, c'est une bonne question. Poubelle, recyclage, compost ou autre, j'irai avec poubelle. Eh bien oui, les ampoules incandescentes traditionnelles ne sont malheureusement pas recyclables. Toutefois, les ampoules fluocompactes et les tubes fluorescents peuvent être récupérés dans l'un des 400 points de dépôt recyclofluo. Peinture, huile usagée et matières dangereuses, poubelle, recyclage, compost ou autre, eh bien, on s'en va dans l'autre. Hein? Ce sont ces produits chimiques, ces huiles, ces peintures et autres résidus domestiques dangereux. Hein? Si vous faites votre changement d'huile vous-même, etc., eh bien, ça doit être déposé dans un des écocentres de votre ville donc qui s'occupera de les acheminer à des industries spécialisées dans leur traitement ou leur recyclage. Les entreprises membres de la SOGU, qui est la Société de gestion des huiles usagées ou éco-peintures, peuvent également récupérer certains RDD. C'est cette catégorie donc de déchets. Si on parle de matériaux et de débris de construction, c'est la poubelle, recyclage, compost ou autre. Eh bien, ça dépend dans certaines villes. Ça peut être dans le recyclage parce que certaines villes font le recyclage des matériaux de construction. Dans ce quiz, je ne le sais pas. Ça ne va pas à la poubelle, je vous dirais autre. Eh bien oui, ici, la plupart des résidus de construction comme le bois, les métaux, le verre et la pierre peuvent être réutilisés ou recyclés. Il est donc recommandé de les acheminer vers un éco-centre ou d'appeler le 311 pour connaître les horaires de collecte spéciale. Si on parle vêtements ou textiles usés, eh bien, moi, je vous dirais, ça peut être recyclé, mais on ne le met pas dans le recyclage, ni la poubelle, ni le compost. On met ça dans autre. Et oui, bien que les matières textiles puissent être recyclées en chiffon ou en matériaux insonorisants, la Ville de Montréal n'offre actuellement pas ce service de collecte de vêtements. Mais avant d'envoyer vos vêtements au site d'enfouissement, pensez plutôt au réemploi. Ces vêtements déchirés peuvent faire d'excellents chiffons ou même des costumes de zombies à l'Halloween, bien sûr. Dans le cas de vêtements démodés ou encore en bon état, offrez-leur une deuxième vie en faisant un don à un organisme comme Renaissance. Le support, je vous l'ai dit tantôt, Village des valeurs, Saint-Vincent-de-Paul, les artisans de la paix ou de la plaie, comme vous voulez. On a aussi l'autre, là, les Armées du Salut. Eux autres, ils vendent ben trop cher, mais en tout cas. Donc, ils ont plusieurs endroits et c'est répertorié par Recyc Québec. Certains organismes offrent aussi un service de cueillette à domicile. Et question 14, des appareils électroniques, on met ça où? Eh bien, poubelle, recyclage ou compost, eh bien, je sais que ça se recycle, mais on va mettre ça pour le quiz dans « Autre », parce que ça aussi, il y a des endroits, ordinateurs et périphériques, des endroits qui vont récupérer ça, qui vont aller chercher les matériaux lourds, etc. Donc, tous ces périphériques électroniques sont acceptés gratuitement dans tous les points de dépôt officiels de l'ARPÉ Québec. Si vos appareils sont toujours fonctionnels, vous pouvez aussi en faire don à des œuvres de charité, comme les endroits que je vous ai nommés tantôt. Si on parle de médicaments périmés, poubelles, recyclage, compost ou autres, encore ici, c'est dans l'autre. Hein? Les médicaments et les produits pharmaceutiques comportent des risques importants de contaminants pour l'environnement, particulièrement pour les sols et les plans d'eau. Il est donc déconseillé de les jeter à la poubelle, dans l'évier ou encore pire, comme l'évier, c'est la cuvette. Rapportez-les plutôt à votre pharmacien qui sera en mesure de les éliminer correctement. Donc, on a eu ensemble une note de 12 réponses sur 15 qui sont bonnes. C'est ça. Donc, en bas de cet article, il y a tous les endroits intéressants où vous pouvez envoyer vos déchets et avoir des ressources pour savoir où mettre quoi. Sur ce, eh bien, on en a parlé pas mal. Hein? On a jasé en masse. On va aller écouter une pièce de la formation Bradycardie. On va aller se mettre un peu de soleil dans les cheveux et dans la tête avec la pièce « Pardonner ». Je pense que c'est toujours bon de savoir pardonner. On va aller écouter ça. Ça va être très, très ensoleillé. Et puis, c'est une nouveauté. Vous ne l'avez pas entendu. C'est officiel. En tout cas, à moins que vous soyez des amis personnels de Bradycardie. Alors, let's go. Pardonnez-moi ça, Bradycardie. Qui me feront grandir, c'est la force et non la peur qui me permettra de guérir. Je respire et de grands pas j'avance. Et je décide de vivre heureuse en accordant ma tolérance. Le temps est venu. Diego et Tiempo. Retirez vos œillères, entrez dans le temple de la conscience. Illuminez la terre de votre présence. Le temps est venu de monter la barrière. Changez votre vision, retirez vos œillères. Entrez dans le temple de la conscience. Illuminez la terre de votre présence. fais pas du premier coup, ce n'est pas un mouvement naturel. C'est vouloir aller jusqu'au bout, c'est l'amour du cœur inconditionnel. Pardonner n'est pas l'oubli de l'offense, c'est un rituel, la quête d'un sens. C'est ouvrir un livre et tourner la page pour y parvenir, ça prend du courage. Pardonner, c'est construire l'avenir et c'est décider d'aller de l'avant. C'est choisir la paix et la nourrir en s'engageant dans son présent. Pardonner pour moi-même, pardonner pour être fort. Faire un don sans gêne et franchir la bonne porte. Aimer comme si je n'avais jamais été blessée. Aimer l'autre jusqu'à croire en cet acte de liberté. Sans détour et sans mesure, enfin tourner le coin. Si l'erreur est humaine, le pardon est divin. Aimer comme si je n'avais jamais été blessée. Aimer l'autre jusqu'à croire en cet acte de liberté. Sans détour et sans mesure, enfin tourner le coin. Si l'erreur est humaine, le pardon est divin. Aimer comme si je n'avais jamais été blessée. Jusqu'à croire en cet acte de liberté. Sans détour et sans mesure, enfin tourner le coin. L'erreur est humaine, le pardon. Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. moi, mais la fille est plus belle. Enfin, ce que je me rappelle, on était sous mon terreau, on tombait dans le boisson. J'ai placé mes pions. C'est l'addiction à quelque chose. C'est l'addiction à quelque chose. Qui s'en en manque? Qui s'en en manque? C'était Curé B, la pièce L'Addiction à Assemblage requis. Pourquoi est-ce qu'on a écouté du Curé B? Et pourquoi est-ce qu'on va réécouter probablement du Curé B? Parce que quand même, c'est... Bonne question. C'est parce qu'on les reçoit en studio. On a Jonathan Béchard et David Bédard avec nous. Bonjour les gars. Bon matin. Ça, vous allez bien? Ça va bien, merci. Ah, t'as tellement une voix de radio. Voix un petit peu enrhumée, mais ça va bien quand même. Ça te va bien, une voix enrhumée. Merci. C'est voix radiophonique, moi, je trouve. C'est c'est ça. Est-ce que tu t'arranges pour avoir un rhume à chaque fois que tu enregistres de la musique? Ben, sérieusement, j'y pense. La prochaine fois, avec les compliments, je vais y penser. Tu devrais travailler là-dessus. Comment provoquer une grippe ou un rhume, c'est la prochaine question. On passe toujours la nuit dehors avant d'enregistrer. C'est ça. C'est ça qui s'est passé. Curé B, c'est le nom de votre projet, de votre duo. En tout cas, moi, je vous vois deux, à moins que j'ai bu la veille et que je vois deux personnes devant moi. Camille Justine. Je sais pas. Vois bien, ta vue est parfaite. Merci. Donc, pourquoi Curé B, premièrement? Je pense que c'est une bonne question. Parce que on est un petit Béchard et un petit Bédard, puis on savait pas trop. C'était ça ou David et Jonathan. Pis on dirait que ça faisait un petit peu émission pour enfants. Que... Ouais, c'est ça. Ouais, une sitcom à TV avec Guy Jodoin, quelque chose de genre. Mais sincèrement, pour vrai, c'est parti de... On est des, on se tenait au Manchester dans okay. le temps. Okay. Puis un moment donné, il y avait des bocs à nos noms. On pouvait faire taguer des noms sur nos bocs. Puis finalement, ben, on avait décidé Curé Béchard, Curé Bédard. Puis c'est ça a resté finalement. Curé comme un curé d'église. Ouais, curé comme un curé d'église. On sait pas trop pourquoi. On faisait la tournée des curés quand on sortait. Tourner des bars, tourner des curés. Mais ça aurait pu être un archevêque, ça aurait pu être c'était trop long. Trop long. C'est ça. Mais c'est parce que curé B, ça rimait en plus. Ça aurait pu être religieux aussi. Ouais, ben, je vous dirais que sur les photos de notre album, effectivement, on est allé dans un concept un peu curé justement avec le. Caméra 3. Et voilà. Caméra droite. Okay. Ouais, ouais. Si vous ne savez pas, hein, vous êtes filmé. Non. C'est pas vrai. Ah oui, excusez-moi, faut continuer l'illusion. Mais c'est ça. Dans le fond, on a gardé le concept, on trouvait ça quand même amusant. Donc, ben oui. Mais non, il n'y a rien de religieux vraiment, on n'est pas très pratiquant. Est-ce que vous faites des jeux de mots de religion dans vos chansons, dans vos paroles? Est-ce qu'il y a des références? Ouais, ben, peut-être dans une ou deux, les petits... Une entre autres, là, mais sinon... Dans le fond, c'est Curé Bédard qui compose les paroles, donc oui, il en fait un petit peu, mais quand même... Ça reste raconte des histoires. Léger, ouais. Mais tu parles de quoi dans tes paroles alors, monsieur Curé Bouchard? Ça ressemble un petit peu à des histoires pas farfelues, mais c'est toutes des affaires qui ne seront pas personnelles. C'est tout, Faut pas prendre ça comme au premier degré, absolument comme ça t'est arrivé à toi. Non, absolument pas. C'est tout. Une chance. Fan d'amour, ça fait la même? Même pas. Même pas. Non, vraiment pas. Puis justement, des chansons d'amour, il n'y en a pas de temps sur l'album. Ouais! Vous parlez de quoi dans vos tunes? Si vous parlez pas d'amour, là, parce que bien souvent, on va s'inspirer de nos vies. Ça joue de genre de bombe qu'on se rappelle quand on était jeune dans les années 90 qui se tenait au parc. Ça peut aller au gars qui a toujours été dans un ben, puis il est rendu à 60 ans, qu'il voudrait bien que son ben il repogne encore. Un has-been. Est-ce que ce serait peut-être. Je vois des titres de chansons, j'essaie de matcher les sujets avec les titres. T'sais, là, t'avais Hit Cassette. Et voilà. Et voilà. C'est ça, ouais, exact. Bon, je vois L'Addiction, Laurie. Tel père, tel fils, besoin originel. Ah, référence religieuse. Oui. Voilà. Oh, voilà. Mes trois femmes, référence religieuse pour les Mormons. Voilà. Voilà. Ou quand même Mitt Romney. Ou première tune d'amour sur le CD. Peut-être. Un des deux. C'est, ouais, c'est ça. La bonne nouvelle, excuse-moi, référence religieuse encore. Effectivement, c'est vous vrai. Êtes pas mal menteur. En plus de des péchés capitaux parce que vous n'arrêtez pas d'en faire des bansons. Ticoc, référence de la religion du fast-food. Hein? Ouais. Ah, okay. Clairement, ben des oui, gars, écoute, des, clairement des gars de Trois-Rivières pour appeler ça Ticoche. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça ailleurs qu'à Trois-Rivières, du Ticoche? Ben, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Ticoche. Ça n'a pas le nom. Mais c'est des bénis, je pense, à l'extérieur de la ouais, exact. Publicité gratuite. Encore? On n'arrête pas. Quand est-ce que l'argent s'en vient pour ces commerces-là qu'on annonce gratuitement? C'est ça, j'avoue. En tout cas, bref, ben, c'est ça. Parlant de faire de l'argent, absolument pas, là, mais vous avez sorti un CD que j'espère que vous vendez à quelque part à un moment donné. Ça doit être le but de la chose. Comment est-ce que vous avez réussi à faire ce CD-là? Comment est-ce que vous en êtes venu à enregistrer un CD au complet? CD au complet, en fait, j'ai un petit mini studio à la maison, donc okay, on a fait vraiment ça au made chez nous. Ça n'a pas l'air au made en regardant tout. Non, ben c'est ça, c'est le résultat est agréable. Je suis bien content de ce résultat. On est bien content, en fait. Dans le fond, effectivement, on est un duo aujourd'hui. On s'appelle QRB, sauf que quand même... on a des bons boys avec nous autres. On a des bons boys avec nous autres. Des anciens gars d'Atomic Baobab, justement. Entre autres, Éric Charland. Hey, ça, c'est bon, ça. Au drum et Thomas Lefebvre à la réalisation avec moi-même, Jonathan mm-hmm. Béchard. Donc, on s'est bien entouré, disons. Bien entouré. Comment vous avez dit, M. Bouchard? Bédard. Bédard? Comment est-ce que c'est? C'est comme Tommy Jerry. Bédard, Béchard. C'est incapable. Tommy Jerry qui a souri, qui est le... Oh! Oh! C'est vrai. Appelle Curie B1, Curie B2. Plus un B4, peut-être. Un gros chat. Un gros chat. Un gros chat. Je salue ma blonde à la maison. En plus, les deux ont une casquette. C'est comment ne pas m'aider, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, bref. Donc, vous travaillez avec d'autres mondes de Atomic Baobab qui ont travaillé à la production. Est-ce que vous vous faites aider sur d'autres choses aussi? Le design graphique? Design graphique, en effet, c'est Thomas Lefebvre qui s'en est occupé aussi. Ancien membre d'Atomic, donc encore un gros merci, parce que dans le fond, c'est on a mixé l'album chez lui, dans le fond. Okay. On a enregistré chez nous, on a mixé chez lui, puis il a donné beaucoup de son temps, donc je le remercie pour ça, parce que ça aurait sûrement pas donné le résultat qu'on a là. Oui. C'est venu comment, ce projet-là? Vous avez décidé de faire un CD Bing Bang de même, ou ça fait des années que vous chantez dans votre sol? Bon, on avait déjà joué ensemble avant l'une proche disait. Ouais. Puis c'est ça. Bon, on a tout le temps joué, on était bisounés ensemble, on a tout le temps fait des petits trucs ensemble. Puis là, à un moment donné, quand que. Je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça même, je te dirais, un soir au Manchester, publicité gratuite. Encore. Le même endroit qui a trouvé le nom de Ben. C'est ça. Finalement. Le même soir, peut-être. Ah, c'est après ça. Les bocs. Finalement, on n'avait aucune vie à part ça. On sait vous trouver dans la vie, mettons, vous êtes tout le temps au Manchester. On est plus tranquille, on a vieilli. On s'est assagi quand même. Tania a demandé à Ron tantôt si vous étiez étudiant ici. Est-ce que vous avez étudié à l'UQTR? Moi, j'ai. Ben là, je termine. Ben en fait, je suis en plein une progression de bac à deuxième année en adaptation scolaire. Okay. Donc, je salue la gang qui écoute en passant. Ah, cool. Ils écoutent. Elles écoutent parce que c'est quand même un bac de filles. Ouais, quand même. Je suis quand même assez. J'ai l'exclusivité, finalement. Ouais, si on peut c'est dire. Ça. C'est pour la règle que si on est 50% de plus d'un sexe, ça devrait s'accorder avec le féminin. Ben oui, ouais, non, c'est ben, de là oui, ben, que oui, vient la même. Chanson Trois femmes sur la Trois femmes. Oui, c'est ça. Oui. Par homme. C'est voilà. C'est la suite du titre qui n'est pas écrite parce que ça ne rentrait pas sur la page. Non, c'est ça. C'est ça. Exact. Wow. Donc, toi, t'es étudiant en ce moment, ouais. Toi? Ah, moi, je me suis inscrit une bonne dizaine de fois. Ah oui. L'important, c'est l'intention. Ça ressemble à moi. L'intention qui compte, jouer. Ben, c'est ça. Ouais, pas gagner. Voilà. Ben, d'après moi, c'est le gars qui a dépensé le plus d'argent Absolument. Dans les demandes d'admission. Juste ah, oui, les ça. Demandes, hein? Ça devrait être remboursable d'impôts, ça. Ça l'est pas, hein? Misère. Dommage. J'ai dit tantôt que... Et fournitures scolaires, hein, parce que le cave, à toutes les fois, elle a tout ça. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ben oui, ben oui. Elle a saché les livres à 400$ chaque. C'est pas, là, mais le petit sac d'école, c'est ça qui est le fun de la chose. Hein. Fait que moi, ouais. Je me faisais un malin plaisir d'aller magasiner. Puis de choquer. J'espère que tes enfants vont à l'université. On espère tous. On a du stock en masse wow. En maison. Comment fonctionne votre processus créatif? Est-ce que tu écris les paroles en premier puis vous composez de la musique ensemble? Ou est-ce qu'on compose la musique en premier après on écrit les paroles? Qu'est-ce qui se passe? Les trois. Les trois. Okay. Des ça fois, varie. Des fois, ils arrivent avec des trucs qu'ils ont pensé chez eux. Je vais mettre des paroles dessus. Après ça, on va retravailler un peu la forme. On va faire des... Comme si on le faisait en trois parties. Une partie lui tout seul, une partie moi tout seul, puis une autre partie les deux ensemble. C'est pas mal ça, je te dirais. Ouais, pour le processus créatif, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est ça. Curé Bédard, les paroles. Curé Béchard, la musique. Donc, moi, je fais les basses, les guitares. Et après, j'appelle Éric Charlin, puis j'ai dit, ça te tente-tu de drummer là-dessus, mon chum? Puis ça a dit, ben, il était bien content, fait que je suis bien content qu'il accepte aussi. Mais le processus créatif, ça fait vraiment naturellement comme ça. On soupe ensemble, puis on sort les guides. Au Manchester. On tapone, puis. On s'est assagi à ce temps, on passe ça à la maison, on fait ça à la maison. On est tranquille, on fait ça à la maison. On a ramené nos bocs avec nos noms, là. Ils ont les remplis à la maison à la place. Qu'est-ce qu'on cuisine pour créer de la musique comme ça? On se fait de quoi de bon, nous autres? Ben oui. De toute façon, je pensais pas tomber sur ce sujet-là. Ben non, mais vas-y. Avez-vous une heure et demie de plus? Non, mais c'est ça. Je vais dans l'impertinence. Curé Bédard, très bon cuisinier, soit dit en passant. Ah, non, si s'il chantait viande, pas. On se fait du bon poisson. On essaye des affaires. C'est, dans le fond, c'est comme mon cobaye. Ouais, c'est ça. Salut aux autres cobayes aussi, des fois, qui viennent du ouais. Les chums. Et ma blonde. Non, mais tu sais, de la truite, des bavettes. OK, on ne va pas avec de la pizza congelée. Non. Barbecue, même l'hiver. Barbecue à l'année longue. Votre album, là, je regardais sur Bandcamp, a l'air d'être sorti à l'été 2015, l'été passé. Donc, est-ce que vous travaillez sur quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a un CD qui s'en vient encore? On est en train de travailler sur un deuxième. Je vous dirais qu'on a pris un petit break pour l'instant parce qu'on a commencé... à la base, c'était supposé d'être un projet uniquement studio. Mm-hmm. Puis là, finalement, on a eu un petit peu de demandes. Ben moi, j'ai un petit peu de contact malgré tout à cause de, justement, Atomic Barban parce que j'étais un ancien aussi. Donc, j'ai eu un petit peu de pushing par en arrière pour ça serait le fun que vous le fassiez live. Fait que j'en ai parlé aux autres boys, puis finalement on est en train de monter là un petit set list là pour faire ça live. Pas piquer les verres. Ben c'est ça. Bon, ça va rocker. Ça va rocker. Quand ça? Ça veut dire que c'est pas commencé encore? C'est pas commencé encore. Les pratiques sont là, c'est ça. Juste ça peaufiner. Voilà. C'est trucs. En création. Rajouter des épices un peu. Ouais, ben c'est ça, c'est en plein ça. Parce que puisque c'est un projet studio, tu sais, autant moi j'avais pas rechanté mes tunes, lui il avait pas refait non plus. Tu sais, on les a faites, on les a montées. Un coup que ça a été fait, on n'a pas retouché à ça, on n'a pas continué à pratiquer nos tunes. Non, c'est ça. Fait qu'on a décidé que là on faisait des pratiques, là c'est là, on se rembarque, mais on se rembarque comme à neuf là-dedans. Ouais, puis aussi sur l'album, souvent deux guitares ou trois, tu sais, j'aime bien ça, en mettre des épices justement quand on projette en studio. On essaie de donner la totale. Donc là, c'est ça, de tout remettre en place un peu avec juste moi, un guitariste. Donc, c'est différent. Ben, c'est ça, c'est différent, mais ça va rocker quand même. Là, je vous l'assure. Mais, c'est des réadapter un petit peu. Fait qu'on on travaille là-dessus. Le public va embarquer, c'est sûr, sur ça, parce qu'on l'a entendu tantôt, ça rock pas mal fort. Ouais. Justement, pour peut-être se quitter, on pourrait choisir une pièce de votre album et en parler un petit peu plus en détail. Et pourquoi est-ce que vous voulez l'entendre? Là, vous allez devoir faire un choix à deux. Je sais que c'est difficile. Ben, c'est parfait. Non, mais on s'est entendu là-dessus. Puis je vais laisser Dave en parler de cette tune-là, parce que c'est quand même la première. Ben, je pense qu'on a choisi celle-là parce que c'est la première aussi. Puis parce que... Il aime ça s'entendre sa cruille. C'est une des seules qui sacque dedans. Exactement. La première, pas la première de l'album. Non, ça se trouve être la deuxième sur l'album. Parce qu'on l'a joué tantôt. Oui, c'est ça. Ça a arrêté malaisant. Non, c'est la première, dans le fond. C'est celle qui a comme lancé un petit peu le processus, effectivement, de l'album. Donc, La Laurie. Chanson, c'est Laurie. Oh yes. Laurie. Qu'on va entendre. On va l'écouter tout de suite, puis on vient après ça, Assemblage Rocky. Laurie, par Curé B. On écoute ça dans vos oreilles sur le 89.1 FM. C'est fou. Ça fait que je suis revenu à la maison. Un hurricane avait squatté le salon. Je me suis dit que c'était peut-être mieux de crisser le feu dans le chiotte que de mettre à quatre pattes puis de ramasser mon stock. Tu m'as laissé dans un bordel, un one-way trip pour la poubelle. Anyway, pour moi, y'a plus rien de bon depuis que t'es parti de la maison. Laurie, Laurie, Laurie, Laurie. Oh oui, une hostie. Tu m'as laissé toute la place, t'es donc ben fine. t'es parti avec toutes tes bottes. Ça fait bizarre, tu pouvais faire ma porte. Oh, Laurie, Laurie, Laurie, Laurie, Laurie, t'es nasty. Oh, Laurie, Laurie, et puis tu fais bien en estime. Ton chien, il est type lui, il perd son poil, il tire sa feuille. Oh, Laurie, Laurie, Laurie, Laurie, Laurie, enfin t'as compris. La pièce Laurie, I hear rock on. À son âge requis. Donc, on a parlé avec nos deux curés préférés. On parle évidemment de David Bédard et Jonathan Béchard, ceux que je mélange parce que j'écris les noms comme un après l'autre, mais inversés par rapport à vos chaises. Il y a le petit et le gros. Non! Laurel et Hardy. C'est ça. Ben voilà. Ben & Jerry, côté crème glacée, j'aime bien ça. Voilà. Bref, curé B, on a parlé en long et en large tantôt, mais comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, pour écouter votre musique, l'acheter peut-être même? Ah ben écoute, contacter, juste pas me texter ou m'appeler durant la nuit. OK. C'est pas préférable. C'est quoi ne pas faire? Mieux, mettons. Bandcamp, QRB, Bandcamp. QRB.bandcamp.com ouais. Pour écouter ou télécharger même gratuitement les chansons. On n'est pas cher, hein, là-dessus. Non, on n'est pas gâteau. Sinon, si vous voulez une copie physique, vous pouvez effectivement aller sur la page Facebook du groupe QRB. Aussi simple que ça. Puis on vous écrit, mettons. Ouais. Ouais, ben hey, ouais. Yo, j'aimerais savoir un CD. Oui, ben oui. Ouais, parce que dans le fond, on a fait 100 exemplaires. OK. Tu sais, c'était vraiment un petit projet. Pour le plaisir. Pour le plaisir. C'est pour donner plaisir à maman puis aux grands-parents. Là. Ouais, c'est Estelle et Michel Barrette. C'est en plein ça pour le. Merci, merci. C'était mon pénultième gag de l'émission. Oh! Hein, j'étais capable de battre ça. Il a réussi à le placer. En termes de vocabulaire, peux-tu battre ça? Il l'a fait tantôt. C'est pour ça que j'ai tendu la perte. Mais c'est parce que je comprends même pas le mot, je dois avouer. C'est avant-dernier. Mais c'est à utiliser de façon sporadique. Oh! Et voilà. Voilà, c'est bravo ça que je voulais. Bravo! Sporadique. Ça finit tellement bien l'émission, ça. On vous retrouve en spectacle aussitôt que ça s'en vient. Curé B, cherchez ça, là, c'est pas dur à retenir quand même. J'imagine que vous allez poster sur Facebook si jamais ça se passe. Absolument. On like ça right now. Curé B, merci beaucoup. Un gros merci à vous pour l'invitation. Yes. Génial, ça. Curé B. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Plongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. I won't crash. for a fish down. Oh, excusez. This time, de notre ami Rico ou Fred Pellerin ou They Call Me Rico. Salut Fred. Salut, ça va? Ça va bien? Oui, super. Yes, donc t'arrives là ou presque. Là, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je suis arrivé hier soir de Lyon parce que ben, c'est ça, il y a des shows au Québec. Oui. Cette semaine, donc samedi. Au Salon Wabasso au Trou du Diable chez Winigan. Oh, fait que... À la shop. Ça va être cool, je suis jamais allé encore, fait que okay. Ça va être fun. Ouais. Donc, ben, on va te présenter Fred Pellerin. Ça fait vraiment longtemps que je le connais, Fred, qui a habité ici. Il vient de Trois-Rivières, qui après t'as déménagé à Montréal. Ouais. Donc, t'as participé à divers projets musicaux. Puis, en 2009, t'as fondé, c'était ça, en 2009, ouais, je pense. Projet, ouais. Donc, They Call Me Rico. Et comment ça t'était venu? Parce que là, c'est plus One Man Band, même si j'ai vu qu'il y a plein de collaborateurs pareils. Ouais, sur l'album et des invités, mais au départ, c'est un projet One Man Band, donc homme orchestre. J'avais commencé ça comme ça en 2009, parce que moi, je jouais avec le groupe Madcap avant. Oui. Puis j'avais le goût de faire quelque chose de plus blues un peu. Fait que j'ai commencé à faire ça tout seul, guitare, dobro un peu. Puis après ça, j'ai décidé, bon, pourquoi pas ajouter la grosse caisse, la hi-hat, tout ça. Ça a commencé comme ça. Puis ça s'est mis à bien prendre ici, puis aussi en France. Fait que je continue depuis ce temps-là. Ben oui, c'est ça. T'avais fondé Voxtone ici. Exactement, à Montréal. Ouais. Puis là, ben, tu t'es sauvé. Tu t'es sauvé en Europe. Ouais, ben en fait... Raconte-nous ça un peu. Ben, j'avais une tournée qui était organisée là-bas, puis qui durait quand même assez longtemps. Fait que ma copine et moi, on s'est dit, bon, pourquoi pas aller s'installer là pendant 10 mois. Fait qu'on a pris un visa. Puis on pensait aller là de façon temporaire, là, juste rester un petit bout de temps. Puis finalement, ben, on n'est pas vraiment revenu. On s'est plus là-bas, puis la carrière s'est bien développée. Donc, on est resté là. Puis aussi, c'est différent. C'est un mode de vie différent. Puis pourquoi? On s'est dit pourquoi pas. Puis vous avez choisi Lyon, pourquoi? Ouais. Pour le fun? Ben, moi, j'avais des amis, justement, à l'époque où je travaillais chez Voxtone. Où j'étais plus, disons, producteur que musicien à cette époque-là, mm-hmm. Ben, j'étais allé au Midem en France. Et puis, j'avais rencontré des gens de Lyon, puis c'est eux qui travaillent avec moi, là, qui m'organisent mes spectacles. Donc, quand j'ai décidé de déménager là-bas, ça a été simple, parce que je connaissais des gens, des amis là-bas. OK, fait que c'était simple, c'était exactement la facilité un peu, là, dans le sens de dire, tant qu'à m'en aller à quelque part, parce qu'il n'y a pas de te refaire un cercle, t'es allé là pour ça. Ouais, puis c'est une ville, tu sais, pas trop stressante, ça a tous les avantages d'une grande ville, puis en même temps, c'est assez calme si on compare ça à Paris. Mm-hmm. Puis c'est une ville qui est vraiment belle, puis moi, j'aime beaucoup cette ville-là, fait que je suis bien là-bas. OK, mais là, c'est technique, mais maintenant, à cette heure, c'est quoi, tu travailles, t'as des visas ou c'est quoi? J'ai une carte de séjour là-bas. OK, c'est des cartes de séjour. OK. Donc là, tu viens nous présenter This Time, une série de shows, mais tu t'arrives aussi de Memphis, je pense. Oui, je suis allé à Memphis au mois de janvier. Donc ça devait fitter exactement pour ton genre, tu devais triper. Oui, c'était génial, je trippais, je suis allé visiter Sun Studios, tout ça. Mm-hmm. Ouais, c'était pour participer à, si on peut dire, un concours de blues international. OK. Et puis, je représentais la France pour ce concours-là. Fait que c'est ça, ça durait pendant 3 jours à Memphis, au Tennessee. Puis c'était génial parce que Memphis, le Tennessee, c'est juste à côté du Mississippi. Mississippi qui est le berceau du blues, justement, où le blues est né. Donc, je suis allé visiter là-bas, puis ça, c'était écœurant. Puis j'ai fait des spectacles dans des petit juke joint au Mississippi. Ouais, j'ai été voir sur ton Facebook. Ben, à mesure que tu le faisais, je te suis, là, puis ça avait l'air intéressant. Ah, c'était vraiment le fun. Ben, c'était vraiment comme j'aurais pu m'imaginer. Moi, je m'étais dit, ça a dû être récupéré maintenant, puis c'est des gens de Hard Rock Café, puis des trucs un peu, disons... Commercial. Puis pas pantoute, finalement, parce que c'est une région qui est super pauvre. Fait que c'est quand même resté, c'est assez authentique. Puis il y a encore du blues, tu sais. Il y a encore du blues, il y a encore des petits cafés, des petits bars typiques comme il y en avait là, 40-50 ans. Fait que c'était ben le fun. Puis tu dois avoir rencontré du monde intéressant. Ouais, puis jouer avec des légendes ou presque. Ben, j'ai rencontré des genres de vieux bluesmen. Jimmy Duck Holmes, un gars qui justement qui tient son café depuis 40 ans, fait des albums, tout j'ai ça. J'ai vu cette photo-là. Puis je jamais avec lui sur le porch devant, puis dans son... dans son bar, tu sais, il m'a dit, tu sais, il y a quand il a appris que je jouais de la guitare, il a dit, oh, go get your guitar, puis là, on a commencé à jouer, puis il m'a montré des petits trucs, puis c'est drôle, on a joué pendant à peu près une demi-heure. Fait que ça, moi, j'espérais ça avant d'aller là-bas, mais en même temps, je me suis dit, ça doit plus vraiment exister, tu sais, okay. Genre, tu sais, ouais, je comprends tout à fait. C'était vraiment comme typique, comme tu peux t'imaginer le Mississippi, comme on le voit dans les films, tout était... c'était vraiment, vraiment génial pour vrai, là, c'était cool. Ben, c'est ça, je me disais, tu dis comme dans les films, en as-tu profité pour faire, je sais pas, une vidéo ou quelque chose? Ouais, ben, on a filmé des trucs, les trucs, je m'en viens français à dire ça. Ben, c'est correct, je dis tout le temps ça, moi aussi, puis je t'ai place de dire autre chose. Mais oui, on a... Les gens avec qui j'étais, ils vont faire un documentaire sur le voyage. Fait que c'est pas encore sorti, mais ils ont filmé différents. Puis il y a certains extraits aussi que je vais mettre sur YouTube bientôt. J'ai pas encore eu les... disons, les fichiers vidéo de ça, mais on a filmé pas mal de trucs, l'affaire. Ben, parce que sûrement que les Français, ça les ferait voyager à fond. Ben justement, ben... le côté américain, mais profond comme ça, puis authentique. Là. Ben, ça les fascine. Puis honnêtement, c'est fascinant. Moi, c'est comme... c'est sûr, je vais y retourner. Okay. Faire de la musique, mais juste comme... en profiter. Visiteur, c'est vraiment, vraiment génial. Là. Excellent. Aussi, j'ai vu passer, parce que comme je t'ai dit, je suis ton Facebook, plusieurs événements assez majeurs, des festivals en France. Ça devait être assez intéressant aussi, puis avec des grosses pointures. Là. Ben oui, j'ai fait la première partie de Joe Satriani, Festival Jazz à Vienne, dans un amphithéâtre romain. c'est-à-dire que là, on avait la grosse affaire. Ça, c'était écœurant là, devant 7000 personnes. Fait que, tu sais, j'ai joué aussi avec Johnny Winter avant qu'il décède. Robert Ford, Zebda, beaucoup de gens là-bas à s'établir. Puis oui, ici dans des belles salles, ça se passe super bien là-bas. Là, ça a pris vraiment une belle direction. Puis surtout, c'est cool aussi de rencontrer des musiciens que t'aimes ou que t'as écouté. Ben, c'est clair. Ben, finalement, c'est un très bon move de faire ton saut vers l'Europe, même si ça marchait quand même bien ici. Oui, ça se passe bien, mais je suis moins souvent ici, c'est ça l'affaire. Fait que je vais revenir un peu plus cet été faire des festivals. Là, okay, parce que il faut prendre le temps. T'sais, l'affaire, c'est que les dernières années, malheureusement, j'ai pas assez pris le... J'étais occupé là-bas, puis tu sais, je veux garder contact ici, c'est important. Mm-hmm. Fait que cet été, je viens faire 3-4 festivals là, au Québec. Là. Entre autres, t'en as-tu déjà qui ben, sont je peux prévus? Pas les annoncer. Okay, ouais, il y en a qui sont confirmés. Ben non, il y en a qui sont confirmés, mais je peux pas l'annoncer encore. OK, c'est leur sortie. Ouais, tout ça. C'est ça. Fait que... Ben puis là, si on parle de ce nouvel album-là, tu peux-tu nous parler un peu comment ça s'est passé, justement? Ben, je l'ai fait en France, celui-là. Puis ça a été un peu, je dirais que j'ai fait en deux temps. Oui. Dans deux studios différents, parce que je me suis fondé mon petit studio là-bas. Ouais, j'ai vu ça. Puis j'avais mon studio à Montréal, puis j'ai déménagé de l'équipement là-bas. OK. Puis je me suis loué un petit local, puis j'ai fait une partie là, puis une partie dans un autre studio pas très loin de Lyon. Puis c'est ça, c'est un album, je dirais, il y a un côté plus rock, puis un côté plus soft aussi. C'est vraiment entre les deux, il y a des chansons plus... plus folk, plus calme, puis il y a des chansons vraiment assez rock. La seule qu'on écoutait avant, je dirais qu'elle était peut-être entre les deux, un petit peu plus piano-bar, un peu plus... Fait que je dirais que c'est plus un album de contraste un petit peu plus que l'autre. Je vois plus... J'ai l'impression d'être allé plus au bout de mes idées. C'est moins propre. OK, moins propre. Ben, c'était pas propre, ouais, mais semble que t'avais quand même propre. Un son qui était... T'es encore resté avec du vieux analogue. Ouais, je suis resté là-dedans, ouais, c'est ça. Ouais, ben ça, je pense que c'est une bonne chose. As-tu sorti un vinyle avec ça? Ça s'en vient, parce que là, le vinyle, vu que ça a explosé, les délais de production pour tout le monde sont... Fait que je suis sur la liste d'attente comme tout le monde, mais ça y va d'ici 2 mois, il va être disponible. Ouais. OK, ça c'est génial. Des collaborateurs encore, j'ai vu des vieux amis là-dessus, ouais. Rock Laroche, Nicolas Grimard, tout exactement, ça. Exactement, ouais. Sont-ils allés taper avec toi? Oui, ben les deux, ouais, pas en même temps, parce que moi j'avais enregistré une partie de l'album, puis Nicolas Grimard est passé cet été, Dominique Laroche aussi est en tournée avec Voivode, donc... Wow. Entre deux dates de Voivode, il est venu faire c'est cool, la base ça. Dans le studio. Ça, c'était super cool. Fait que oui, on a enregistré ça là-bas. Puis non, moi, je suis bien content de ce que ça donne. Ils vont être là aussi samedi. Ça, c'est samedi ici. Ça, c'est là. Ce samedi qui arrive au Trou du Diable. Donc, il va y avoir Doom de Voivode, Nicolas Grimard qui joue avec Caïman Fou aussi. Donc, excellent. Puis j'ai vu aussi sur tes autres. Là, t'as de l'orgue, t'as du clavier un peu plus. Tu t'es étoffé. C'est Charlie Glad, ouais, c'est un Lyonnais. OK. Qui fait violon, orgue, puis on fait des spectacles en duo aussi, parce que la plupart des spectacles, je les fais en solo, puis j'en fais aussi avec lui en duo, puis quand je viens au Québec, j'aime bien ça jouer aussi avec d'autres invités pour faire plus un band, parce que je joue tout seul, des fois c'est le fun de jouer avec d'autres mondes aussi. Fait que... Ne serait-ce qu'après ou avant le show, c'est ça. C'est excellent. Donc, si on rappelle encore samedi à la Shop du Trou du Diable, vous allez être là. Ouais. Et puis, l'album, lui, est disponible en ce moment? L'album, non, il sort le premier. Mais si vous achetez le billet en pré-vente, vous allez avoir l'album en plus, gratuit, donc, et en primeur. Il va être disponible en primeur au Trou du Diable. OK, donc, tu vas le vendre aussi là-bas? Oui, je vais le vendre là-bas. Il est pas disponible. Il est disponible en magasin, puis sur le net à partir du 1er avril, mais il va être disponible en version physique. Excellent. Le 26, donc. Et puis, si on s'en va écouter une autre pièce, quelle pièce tu nous conseillerais? Treat Me Like a Dog, la cinquième, si je ne me trompe pas. Oui, c'est exactement, on va te traiter comme un chien. Merci. Non, c'est une joke. Hey, merci, mon ami, on se reprend. Puis, en tout cas, continue comme ça, je pense que je ne peux pas rien te dire d'autre. Bonne continuation. Ben, merci à toi. Salut. We'll be right back. présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est le moment d'accueillir Jimmy Thibodeau pour sa chronique C'est dans le monde que ça se passe. Bonjour à toi. Bien le bonjour. Ça va bien. Ça va très bien. Oui. alors, on va encore parler de plein de choses. Tantôt, Tania, t'as peut-être imposé un sujet pour toi. Non, je l'ai pas imposé. T'as-tu que peut-être que t'en parlerais, mais on en parlera sûrement pas. Ça me surprendrait. Peut-être pas. Surprends-nous en nous disant de quoi tu nous parles aujourd'hui. Ça se peut-tu que vous vouliez parler de quelque chose qui avait rapport à la Belgique? Je sais pas. Ben, on se dit que... Moi, non, mais Tania, oui. Non, j'ai pas dit qu'elle est automatiquement parler Mais où, mais peut-être moi, que Jimmy va nous en parler. Mais moi, vous savez, je suis pas un gars mainstream. Fait que avant d'en parler, je vais devoir attendre 3-4 semaines. Ah, c'est ça. On est deux contre un. C'est ça. Bref. Mais non, mais là, il fallait au moins dire qu'on était désolé pour eux. Ben oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Tout à fait. Ça s'inscrit un peu dans les continuités des attentats du 15 novembre, évidemment. Et on va pouvoir en reparler, même que la poussière retombe. Ça, j'en suis convaincu. Ça me ferait plaisir. Oui, ou les tuiles du plafond. Tout à fait. Bon, et avant de passer à mon sujet, j'aimerais juste souligner quelque chose. Je sais pas si vous avez vu Last Week Tonight with John Oliver dimanche soir. Là. Pas cette semaine, je suis en retard un peu dans mes émissions, mais quand j'ai écouté les deux premières saisons complètes à date. Mais j'aimerais juste dire, là, il y a plusieurs semaines, j'avais parlé des murs, on s'en rappelle, dans le monde. Et puis là, John Oliver, dimanche soir, il parle de quoi? Il parle des murs au Mexique. T'es à l'avant-garde. Je suis à l'avant-garde. Écoute, puis j'ai même des auditeurs jusqu'aux États-Unis, ça a l'air. Incroyable. Hey, on adore John ça. Oliver. On va t'appeler Jim Oliver. Jimmy John. Comme l'Américain classique. Jimmy John. Comme Deborah Jo. Ouais. Et Thibodeau Oliver. Thibodeau Oliver. Bon. Alors, sur cette... là-dessus... Bon. Là-dessus, on va next! On passe à mon sujet. Je voulais vous parler de la gratuité du web. Ben oui. Mais en fait, je parle de la gratuité du web, mais je veux plus vous parler, vous dire à quel point ça n'existe pas, cette chose-là. Ouais. C'est un mythe. C'est vous le produit ici. Ah, mais tellement. En fait, là, les gens, ils s'en rendent pas compte. Souvent, quand on utilise le web, par exemple, mais surtout Facebook, là, c'est un exemple qui revient souvent. En tout cas, tous les réseaux sociaux, les moteurs de recherche. C'est plus populaire, c'est sûr qu'on va parler plus de Facebook. Tout à fait. Puis les exemples sont vraiment... Il y en a plusieurs, là, des très éclatants dans Facebook aussi. On va revenir là-dessus. Donc, la gratuité du web qui est absolument un mythe. Parce qu'en fait, ce qu'on fait avec ça, les pages web gratuites, c'est bien simple. La plupart du temps, on vous surveille, on surveille ce que vous faites. Et on vend ça par après. Ouais. Donc, vous donnez de l'info. C'est comme si vous donnez de l'information aux gens pour qu'ils puissent ensuite l'exploiter. Et ça, les informations, ils les prennent partout. Ils les prennent dans les clics, les j'aime sur lesquels on clique, les visionnements de vidéos qu'on fait. Ça peut être aussi... même cliquer sur un site web, ils le notent tout de suite. Mm-hmm. Ça peut être le contenu de nos messages aussi. Imaginez imaginez une femme qui avoue à son ami qu'elle est peut-être enceinte et tout dans un de ses messages. Ouais. Ben ça se peut très bien qu'elle reçoive des pubs de couches ou de tests de grossesse la journée d'après. Puis on le voit parce qu'après ça on commence à voir des publicités sur Facebook. Ouais. On fait comme hey crime, ils me connaissent donc bien ça. Tout à fait. Mais faut pas penser que c'est seulement quand tu vas sur Facebook, comme tu as dit, qu'ils visitent les sites que tu partages ou que tu vas voir via Facebook, mais c'est même si tu vas pas là via Facebook, toutes les pages web ont un petit bouton « J'aime ». Ouais. Ben, le petit gadget avec le bouton « J'aime », il sert à ça aussi. Ouais. Mais en fait, ils sont capables même d'établir votre profil extrêmement précise. Oui, ils savent l'âge que tu as, ils savent ton sexe. Même si les gens qui sont pas sur Facebook, en fait, quand les gens parlent d'eux sur Facebook, en fait, ils font même des profils fantômes. Ah, OK. Ouais. Donc, ça existe aussi. Et pour vous donner à quel point les profils sont précis, faites juste regarder les profils Google qui sont disponibles sur votre compte personnel. Dans le fond, si vous allez dans vos paramètres des annonces, ils vont vous marquer le profil qu'ils ont de vous. d'après les recherches que vous avez faites. Google, ouais, au moins, est un petit peu plus transparent que les autres là-dessus. Ils disent ce qu'on fait sur ton sujet. Au moins, ils disent on t'espionne puis regarde ce qu'on fait toi. Là, c'est ça. En même temps, il y a bien des gens qui sont très heureux, puis surtout du côté de Google, puis je peux les comprendre un petit peu là-dessus, qui sont très contents d'être ciblés comme ça. Ils ont des choses qui leur intéressent, qui les intéressent. Dans leur courriel, s'il y a des courriels de plusieurs affaires, ben bon, tu sais, ça va finir par. Comment dire, te connaître exactement, puis là, ben, tu vas avoir plus envie de les voir, ces publicités-là, contrairement à des pubs qui te touchent pas. Ah, c'est sûr, content de se faire voir. C'est sûr que cet avantage-là, mais il y a beaucoup de désavantages, on va y, on va y revenir bientôt. Mais pas juste pour revenir au profil Google, là, juste pour dire, moi, en fait, quand j'ai regardé le mien, mes intérêts, c'était vraiment super précis. L'actualité, par exemple, philosophie, jeux d'aventure, ça a tout sorti, mes intérêts, mes recherches que je faisais le plus. Puis là, après, je regarde aussi, ils savent que je suis un homme entre 18 et 24 ans, j'ai jamais donné mon âge, là. T'as pas mis ta date de naissance sur Facebook à quelque part? Est-ce que t'as un compte Gmail? Non, c'est ça, j'en ai pas. Ah, voilà! C'est ça que je trouvais bizarre. Il n'y a pas de compte Gmail, puis ils l'ont trouvé pareil. Donc, c'est quand même spécial. Tout à fait. C'est par tes goûts, probablement. Ça dépend beaucoup de ça, j'imagine. Tu regardes beaucoup Vrak TV. Je sais pas. C'est ça. Enfin, bref. Mais il y a ça, ce côté ce côté non-obscur du web, de la gratuité du web qu'on connaît bien, puis qu'on nous répète souvent, en fait. Mais il y a aussi le côté plus obscur. Par exemple, le pistage des entreprises qui existent, là, en fait, il y a plusieurs manières de vous espionner dans les pages web que vous visitez. Google le fait tout le temps, mais même Facebook peut le faire avec ce qu'on appelle des pixels espions. Ouais. C'est quand tu vas à une page web, là, tu as comme un petit pixel dans le fond qui reste dans ta page puis qui est transparent, tu le vois pas. C'est ça, exact. C'est ça qu'on appelle un pixel espion. Il y a plein de méthodes comme ça, donc c'est un peu... Dérangeant. Dérangeant, pas mal. Voilà. Je me rappelle une fois d'ailleurs sur Facebook. D'habitude, je clique absolument sur rien qui a rapport au plein air nécessairement sur Facebook. Puis j'ai fait une recherche Google là-dessus, sur le plein air. Puis là, je me ramasse à un moment donné sur Facebook avec une pub de plein air. Fait que je me suis dit, ça a peut-être rapport avec ça. Étrange, ça pourrait être un bon exemple. En tout cas, bref. C'en est un, je pense. Ouais. Et puis, j'avais oublié de mentionner ça, mais ça, c'est un très bon point. D'ailleurs, tu sais, notre réflexe de penser que le web, c'est gratuit, mais on fait juste penser aux émoticônes qu'on a ajoutés en plus du bouton « J'aime ». Ouais. Ça, d'habitude, on a comme le réflexe de se dire « Ah, tiens, Facebook nous fait un cadeau, il veut nous faire plaisir. » Ben fin. Oui, hey, c'est ça. Mais non, pas en tout. On le sait bien que c'est pour regarder encore plus précisément nos réactions, en fait. Plus on donne de l'information, plus notre réaction est précise, plus ils peuvent cerner nos attitudes, notre personnalité, etc. Et vous savez plus de ce que vous aimez et moins de ce que vous n'aimez pas, parce que si vous êtes malheureux, vous n'allez pas acheter des produits. En tout cas, quelque chose comme ça, parce qu'il y en a comme moi qui ont besoin de s'acheter des affaires quand ils sont tristes. C'est ça. Donc voilà, c'est une banque d'informations vraiment inouïe pour Facebook, d'autant plus qu'il y a 1,23 milliard de personnes qui sont là-dessus, donc c'est vraiment c'est quelque chose. Ouais. Donc c'est comme si on peut quasiment faire des recensements là-dedans, on a quasiment tout le monde, c'est fou. Oui, une représentation de super, à part ceux qui sont vraiment dans les pays pauvres. Exact, c'est ça. Même là, il y a de plus en plus de téléphones bas de gamme qui sont fournis, puis les gens vont sur Internet sur leur téléphone cellulaire, c'est comme ça. Tout à fait. Sur des vieux téléphones. Donc, ils marchent pas tellement. Si on a de l'espionnage, bien sûr, puis aussi des recueillements d'informations, on a aussi d'autres choses qui viennent par rapport à la prétendue gratuité du web. Il y a aussi le contenu sponsorisé. Parce que nous, dans le monde d'aujourd'hui, on n'aime pas la pub, fait qu'on prend Adblock. Puis on n'aime pas aussi de la pub dans Facebook, quoi que ce soit. On veut pas payer nos journaux non plus. Non. Parce que ni la télé. Ni la radio. Ni rien. Non, mais tu sais, pourquoi on paierait ces affaires-là? Quand tu peux l'avoir gratuit. Exactement. Ben oui, c'est ça. Fait que là, c'est sûr qu'il faut bien qu'il n'y aura plus rien un jour. Il n'y aura juste plus rien. Sinon, tout ferme. C'est ça. Mais tu sais, il faut bien que les journalistes se fassent payer quelque part. Ouais. Faut bien qu'on trouve de l'argent. Et ils ont une super belle méthode pour ça. Ça s'appelle le contenu sponsorisé. Oh boy. Parce que oui, on regarde notre fil d'actualité sans pub grâce à Adblock et tout, puis on est bien content. Mais par contre, la pub s'immisce partout. Et sournoise. Même dans les articles, parce que même c'est rendu que plusieurs articles sont des pubs. C'est des pubs masquées avec un petit logo ou juste une petite mention texte. Ce contenu est présenté ou sponsorisé ou commandité. En fait, c'est presque indiscernable. Ouais. T'as deux sortes de contenus sponsorisés. T'as celui qui est commandé par le publicitaire puis qui est écrit par un journaliste. Ça, c'est presque indiscernable. Puis t'as le contenu publicitaire qui est directement retransmis par le journal en question. Puis ce qui est grave là-dedans, c'est que t'as des journaux comme le Washington Post, New York Times, The Guardian. Ils ont l'air tout le temps super crédibles, mais en fait, je sais pas, moi, mettons, le cinquième du temps, c'est du contenu sponsorisé. Ouais, c'est ça. Des fois, le fond va être d'une couleur différente pour essayer de donner l'impression que c'est pas du contenu. Mais t'as juste le fait que ça soit dans une mise en page de New York Times, par exemple, là, ça a tellement l'air crédible. Puis je vais juste donner un exemple que j'avais trouvé dans mon fil d'actualité. Un article du New York Times qui parle du nouveau parc d'attractions Harry Potter en Californie qui vient d'ouvrir. Il disait « Wow, une nouvelle culturelle super intéressante, je m'en vais voir. » Mais tu sais, je me rends bien vite compte que ben c'est du contenu sponsorisé. Puis j'ai trouvé la toute petite mention du texte quelque part. Là. Et jamais même place. Hein. Jamais. Et les mots sont pas toujours clairs non plus. Parce que tu sais, bon, présenté par, ok, quand même. Sponsorisé, bon, est-ce que les gens savent ce que ça veut dire? Même sponsorisé, c'est dans l'article que j'ai vu, c'était pas marqué. C'était juste écrit par tel journaliste à telle date. Ou via quelque chose. Fait que c'était comme vraiment une vraie article. Là. Il y avait juste advertisement quelque part. C'est ça. C'est pas grave, mais. Mettons quand c'est bon, mettons un top 22 sur BuzzFeed, je sais pas, des produits faits par à partir du pétrole, puis c'est commencé par BP, mettons, tu sais. Ouais. Genre, ou quelque chose comme ça, tu sais. Il y a des répercussions quand même à ces articles-là, mais des fois ça peut être plus grave que d'autres. Comme des fois, c'est pas grave du tout, comme mettons, je sais pas, c'était le top des criminels, je sais pas trop quoi, présenté par des criminels femmes, présenté par Orange is the New Black, mettons. Ça a aucune répercussion. Il y en a des petits là. Mais il y a deux grosses conséquences que je vois à ça, là, vite de même, si on peut dire. La première, c'est que, ben, premièrement, là, vu qu'on fait confiance à nos journaux, ben, on se fait un peu gaver par les contenus publicitaires, puis on est un peu à la merci de ça, on est vulnérable, on se fait influencer sans le savoir, donc c'est sans notre consentement, et ça, c'est grave, et en plus, il y a même une étude aux États-Unis qui a été faite qui a montré que les gens, en fait, là, ils sont pas capables de discerner le contenu sponsorisé des vrais articles, ils sont pas capables du tout. La plupart des contenus sponsorisés qu'ils ont montré aux gens, ben, ils pensaient que c'était des vrais articles de journalistes qui venaient d'eux-mêmes. Ben, c'est que sur un site web, il y a tellement de cossins partout, plein de boutons, que juste le petit logo avec sponsorisé ou commandité ou peu importe, il y a tellement d'affaires autour qu'on est porté à juste voir l'article, c'est normal. Tout à fait. Ouais. Et puis, un autre problème aussi avec ça, c'est l'indépendance des journaux par rapport aux publicités. Donc, si si une grosse partie des contenus viennent d'eux autres, ben ils peuvent pas vraiment les critiquer par après ou quoi que ce soit. Donc, plusieurs problèmes avec ça. Donc, non, le web n'est pas gratuit et votre fil d'actualité, ben vous le payez amplement. Non seulement par la publicité qu'il y a dans votre fil d'actualité, mais par la publicité qu'il y a dans vos articles. Et puis. Mais est-ce que ça vous énerve d'avoir de la publicité? Ben, la publicité en tant que telle, moi aussi j'utilise Adblock. Comme Jimmy a dit tantôt, j'en vois pas beaucoup. Mais du contenu sponsorisé, je sais le détecter, je sais le bypasser complètement. C'est bien. Ouais. Mais c'est ça, il faut faire vraiment attention parce qu'on peut. Il y a beaucoup de place à la manipulation là-dedans. Puis c'est vraiment. Parce que. Ça entre dans nos vies comme sournoisement. Puis ça, je pense, c'est le pire. Là. Le fait qu'on veuille des choses gratuites puis qu'on ait de la pub pour ça, c'est correct. Mais au moins de savoir que c'est de la pub, ça, je pense que c'est important. Puis, donc, voilà pour le contenu sponsorisé. Par rapport à la gratuité du web, encore une fois, il y a aussi une autre affaire qui est intéressante. C'est le fait que non seulement Facebook vend ses informations aux entreprises, mais aussi ils vendent ses informations au gouvernement et entre autres aussi aux universités ou aux groupes de recherche. Il y a plein d'études intéressantes qui peuvent sortir de ça. C'est intéressant, mais en même temps, le problème, c'est que... Côté consentement éclairé, on repassera. Là. Donc, éthiquement, je pense que ça me semble discutable. Mais quand même, il y a des... Ça, c'est un bon côté, je pense, la gratuité du web. Ça, on se ramasse avec des recherches vraiment super intéressantes. Comme par exemple, celle-là qui était sortie dans le New York Times où on montrait que... En fait, c'était pas nécessairement par rapport à Facebook, c'était par rapport à Kindle. C'était des gens qui recevaient un livre gratuitement, puis en échange, on recueillait leurs données de la façon dont ils lisaient le livre. Ça, c'est la liseuse d'Amazon, le Kindle. Ah. Exact. Et puis là, on s'est rendu compte que un bon livre, 60% des gens le finissent. Ah. Un mauvais livre, 20% des gens le finissent. Donc, 50% des livres à peu près sont même pas finis, sont finis par à peine 25%. En tout cas, bref, C'est vraiment... C'est précis, ils savent tout. Là. Mais non seulement ils savent tout, mais en plus, côté de la recherche, c'est un peu aberrant pour... C'est un peu triste pour les auteurs. Puis c'est un peu triste aussi pour les lecteurs quand on sait maintenant... Ben en fait, c'est un peu consolant parce que tu sais, quand on finit pas un livre, puis on se dit, bon, ben on ressemble un petit peu aux autres finalement. Mais ça doit donner une idée de quel livre aussi mettre en magasin de plus en plus. Tout à fait. Donc ça, c'est un problème qu'ils ont relevé dans l'article. Ils ont mentionné que si on connaît vraiment les livres qui vendent le plus, ben est-ce que les éditeurs vont devenir de plus en plus précis dans ce qu'ils veulent? Donc, est-ce qu'ils vont restreindre de plus en plus les il va y avoir de moins en moins de choix. Imaginez, par exemple, un livre qui marche pas bien sur Kindle. Puis ça, le Kindle, c'est pas le savoir absolu, c'est-à-dire que... C'est plus gros quand même des liseuses électroniques, mettons. Tout à fait, mais il y a aussi les livres papier. Donc, est-ce que c'est un échantillon représentatif? On ne le sait pas. Mais imaginez un éditeur qui décide « OK, ton tome 1, il s'est pas vendu bien, fait qu'on n'édite pas le tome 2. » Non, t'as raison. J'avoue. C'est particulier aussi parce que depuis quelque temps, Kindle, Amazon en fait offre un genre de Netflix des livres. Faut toujours que ce soit le quelque chose de quelque chose en 2007. Bon, donc c'est un abonnement à X dollars par mois où tu peux prendre n'importe quel livre, mais quand même, ça veut dire que les gens vont pouvoir essayer plein d'affaires, mais ils vont pas se rendre au-delà de la deuxième page. La plupart des livres qu'ils vont essayer. T'sais. La plupart du temps, semble-t-il, les hommes lisent entre 30 et 50 pages et arrêtent, puis les femmes, c'est entre 50 et 100 pages puis arrêtent. C'est comme 100 pages, rendu à 100 pages, là, bah, attends, on finit là, le livre, là. Là, ça dépend, il y en a combien. Ouais, je comprends, mais la plupart des livres, mettons 100 pages, quand même proche du... peut-être pas du but, mais... Ça dépend des livres, hein. Des fois, il y a des livres de 400, 500 pages et plus, là, donc ça peut être difficile. Mais tu sais si t'aimes pas ça après 100 pages, là. Donc, bref, par rapport à la gratuité du web, donc il y a aussi le problème de la manipulation. J'en ai parlé avec la pub, mais il y a aussi la manipulation par les sites eux-mêmes. Par exemple, on pense à un événement en 2014, vous vous rappelez peut-être de ça. Facebook avait sorti une étude sur à quel point les posts, dans le fond, négatifs ou positifs, influencent nos émotions. Oui. Il avait manipulé les gens. Il avait manipulé les fils d'actualité pour voir si, par exemple, on envoyait plus de posts positifs à quelqu'un. Est-ce qu'il était pour répondre, pour publier des choses plus positives? Ben, on s'est rendu compte que oui. Puis on parle de l'affichage des nouvelles dans l'algorithme de la présentation de la page d'accueil de Facebook. Il n'y avait que des nouvelles positives ou que des nouvelles négatives. Exactement. Et puis, puis les gens ne le savaient pas, là, c'est 700 000 utilisateurs anglophones qui ont été victimes de ça. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pour des recherches, et pas de consentement éclairé. C'est vraiment de la peu manipulation. C'est pas de consentement éclairé, sûrement à quelque part dans les trucs d'utilisation du site, à quelque part dans les petits caractères, il y avait la possibilité de « on peut faire ce qu'on veut avec vous autres, fait que dites rien ». Exactement, c'est tout le temps comme ça que ça marche en fait. on veut pas lire ça, c'est personne ne veut lire ça. Même moi, je veux pas lire ça, écoute. T'es un consommateur éclairé. Si quoi? Je suis un consommateur éclairé, tu te renseignes avant d'utiliser des choses. Dans le fil, t'as l'air de quelqu'un qui est au courant. Non. Ah, je te prête des intentions. Hein. Je lis pas les contrats non plus, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, bref. Rappelez-vous de ne pas lui prêter de l'argent. Ouais. Il connaît pas les taux d'intérêt, par exemple. Donc, bref, c'est ça. On a publicité qu'on reconnaît même pas sur le web, manipulation, absence de consentement dans plusieurs trucs, surtout à cause des contrats qu'on n'est pas capable de lire. Et aussi, un autre problème qui est récurrent avec ces trucs-là, c'est qu'il y a très, très peu de législation là-dessus. C'est-à-dire, on aimerait bien protéger le consommateur, l'avertir de tel ou tel truc, ou encore mettre un frein à Facebook ou Google pour dire « bon, c'est assez, là, on limite un peu le requérement de certaines données pour préserver la vie privée, mais on ne peut pas faire ça, parce qu'on n'a juste pas les lois. C'est arrivé trop vite, là, ces affaires-là. Le contenu web gratuit, les réseaux sociaux, etc. Je pense que les politiciens n'ont pas eu le temps de réagir. Puis on est un peu pogné avec ça, donc c'est un peu dans l'air du temps. On va comme devoir se faire à l'idée, je pense. Et plus vous êtes averti, par contre, plus vous allez pouvoir... J'aurais plus tendance à dire que de toute façon, votre privé est foutu et que vous n'en avez pas. Pas vrai. Il y a des façons de contourner ça. Il y a Tor, il y a des furteurs un petit peu plus sécuritaires. Il y a le Do Not Track, l'option qu'on a sur certains furteurs, que là, depuis quelque temps, ils commencent à les enlever. Comme je crois que c'est Chrome sur iOS qui a enlevé l'option Do Not Track récemment. Tout à fait. Mais par contre, même quand vous... Mettons, moi, je veux absolument avoir une vie privée dans la vie. Et j'enlève mon compte Facebook, puis je le remplace par un compte Facebook avec un pseudonyme. Ben, mon profil Facebook, j'ai effacé, il va rester là quand même. Ouais. Puis on va continuer à recueillir des données dessus, en plus. Puis ça se peut aussi même qu'on fasse le lien entre mon compte et le compte que j'ai créé aussi, parce éventuellement. Parce que tu t'es connecté sur le même ordinateur ou parce que tu as visité les mêmes sites, j'imagine. Exactement. Avec l'adresse IP, là, ouais, c'est sûr qu'ils vont te retrouver. Et en plus, t'as pas le droit à un pseudonyme sur Facebook, fait que tu vas te faire fermer ta page. Ça se peut aussi. Ouais. À moins que ton pseudonyme ressemble à un nom, là. Ouais, ça c'est vrai. Dans ce cas-là, ça marche. Ouais. Mais bon, bref, voilà. Donc, à moins d'être vraiment capable de colmater toutes les brèches, c'est extrêmement difficile. Au moins, sachez-le. Et sachez reconnaître, par exemple, le contenu sponsorisé, la pub. Sachez ce qui arrive sur vous, même si c'est pas très drôle. Ça vient un peu à l'encontre de la question éthique aussi, là, face aux consommateurs. Mais ils s'en sacrent parce qu'ils font du cash à tonnes sur vous autres. Puis on est comme très heureux parce qu'on a tous des appareils le fun et c'est intéressant à visiter. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est gratuit. C'est ce que ça donne. Voilà. C'est plate, mais c'est de même. Mais renseignez-vous un peu sur votre vie privée sur Internet. How to privacy online. Il va en avoir plein des solutions à ça. Jimmy John, Thibaut Deliver. C'est ça. Ton pseudonyme sur Facebook dorénavant. Ah, peut-être pas. Tu devrais changer ta page Facebook. Jimmy John. Moi, je me fais arnaquer, mais c'est pas grave parce que je sais que je me fais arnaquer, donc je l'accepte de manière éclairée, c'est quand ça. Quand tu fais en pleine conscience des faits, c'est bien correct. Exact. Jimmy Thibodeau, intéressant encore une fois comme chronique, comme toujours. On remercie ta participation à l'émission. Ben, merci beaucoup. C'est super fin, on se retrouve super bientôt. Tout à fait. Jimmy Thibodeau, et c'est dans le monde que ça se passe. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis, de 6h30 à 9h30, et le dîner de cons, de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cfou.ca.